13 novembre de l'année 2022, c'est la date où est produit cet enregistrement avec Mona. Donc ici, David, en compagnie de Mona en audio. Donc bonjour Mona, ça va bien? Oui, bonjour David, très bien. J'espère que tout le monde va bien. Oui, pareillement. Donc aujourd'hui, au menu, ce qui est préparé pour cet enregistrement, on va parler entre autres du désespoir qui peut être vécu par plusieurs personnes à l'époque présente. Donc, après près de 2 ans de gestion de crise sanitaire, ensuite on tombe dans une période maintenant d'inflation, que ce soit au Québec, également là, dans des pays en Europe où le coût de la vie a beaucoup augmenté dans les derniers mois, un recul du pouvoir d'achat. Et on est confronté de plus en plus à des pénuries. Et on va aborder aussi la question des changements climatiques, car au moment où on produit cette capsule audio, se déroule la COP27 en Égypte, où de nombreux pays sont réunis pour faire face aux enjeux climatiques. Donc, en ce mois de novembre 2022. Donc, ça, c'est les sujets qui vont être abordés. Juste avant de commencer à proprement dit, on va procéder à quelques annonces. Tout d'abord, je veux mentionner aux gens que vous allez pouvoir retrouver l'entrevue de manière intégrale avec Mona sur ma chaîne Odyssey, dont vous allez avoir les coordonnées en bas de l'enregistrement présent. Odyssey étant un espace de diffusion web qui est propice à la liberté d'expression. Et c'est un endroit où ce que vous allez pouvoir retrouver des enregistrements que j'ai faits d'une manière exclusive avec certains invités, dont Mona et également Bertold. Et sinon, de ton côté, Mona, tu es toujours quelqu'un qui donne des cours de yoga et également de pilates thérapeutique. Exact, tout à fait. Je voulais faire un petit aparté. Je vous demande un petit peu d'attention. J'ai besoin de quelqu'un qui se connaît très bien technologie, de me mettre en marché. J'ai un contenu de cours pour des gens qui souffrent de sciatalgie, lombalgie, douleurs lombaires chroniques, c'est-à-dire des douleurs que les médecins ne travaillent pas parce qu'ils ne travaillent pas sur les douleurs chroniques comme l'arthrose, l'arthrite, ces choses. Ils peuvent donner des barres, peu importe la douleur où se trouve dans votre colonne. J'ai du contenu, puis ça fonctionne. Je le teste depuis à peu près 8 ans et j'ai des résultats extraordinaires, mais je n'ai pas l'énergie ni l'envie de m'occuper de la technologie, filmer les routines. Mes routines sont prêtes. Donc, je cherche quelqu'un qui est capable de m'aider. Soit je les filme puis les mets en ligne pour refaire un site. Ça prend quelqu'un qui connaît ça. Alors voilà, je lance l'idée à l'univers en même temps. Oui, certainement. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a les compétences techniques, notamment en matière informatique, pour te venir en aide, eh bien, je vais naturellement mettre tes coordonnées en bas de l'enregistrement, là, que ce soit par rapport à ton adresse courriel et également là, ton site web. Super. Et c'est la même chose aussi qu'on peut mentionner pour s'il y a des gens qui nous écoutent qui auraient envie de faire du yoga et du pilates thérapeutique. Donc, c'est sûr que vous pouvez entrer en contact avec Mona et toi, tu continues toujours à donner, en plus de donner des cours en présentiel à Montréal, aussi en ligne? Oui, Zoom et présentiel sont simultanés quand les gens ont besoin. J'ai 10 de cours par semaine si les gens veulent se joindre à un des groupes, soit en présence ou sur Zoom, c'est possible. Mais quand vous êtes sur Zoom, il faut que les gens s'attendent à s'acheter l'équipement nécessaire parce que je travaille avec des petits objets comme des balles. C'est possible de s'équiper, mais il n'y a pas de souci, j'accompagne les gens là-dedans. Bon, ben, c'est excellent. Et c'est sûr que par rapport à ça, ce qui est intéressant, vu que tu es sur le web, eh bien, il y a des gens qui peuvent participer à travers tes cours en ligne, là, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient également en Europe, donc un peu partout où il y a des gens issus de la francophonie. Exact. J'ai une dame qui est une Française au Brésil. J'ai une autre dame qui est dans une autre région. J'ai un ami en Belgique. Pas de problème sur Zoom. Ça va partout. Exactement. Donc, tu es international. Tant que je dis pas les mauvais mots. Bon. Je blague un petit peu. Je taquine David, les amis. Oui, J'ai parce fait. qu'on vit dans un contexte de censure très grand, présentement par le web. J'ai déjà vécu de la censure. Et c'est sûr que le revers, si on peut dire, de la mondialisation, c'est naturellement la présence d'un agenda mondialiste auquel va adhérer là, certaines plateformes de diffusion web qui vont faire de la censure en relation avec tous les éléments qui vont à l'encontre d'un certain narratif. Donc, les annonces sont faites. Et puis, on va débuter à proprement dit. Dans un premier temps, ben, je voulais aborder avec toi là, en cette période creuse automnale pour nous qui est au Québec, où ce que peu d'ensoleillement, la température est sombre en ce mois de novembre. Au moment où est faite cette capsule, il n'y a pas encore de neige au sol pour nous éclairer. Et je trouve qu'il y a un peu comme tu le disais en préparation, l'enregistrement, je partage un peu le constat, on est comme dans une ambiance de désespoir. Donc après un peu plus de 2 ans de crise sanitaire, là on tombe dans une période d'inflation sur le plan économique avec des pénuries qui apparaissent de plus en plus dans les derniers mois. Au moment où est faite cette capsule au Québec, une pénurie de laitue. J'ai été récemment au restaurant Subway pour acheter un sous-marin et il n'y avait plus de laitue. Donc, oui, on est rendu à ce point-là. Ça n'a pas de bon sens. Surtout que ce qui me choque, ce qui me fait vibrer là-dedans, c'est qu'on c'est tout organisé, ça. Il n'y a aucune raison en dehors d'une volonté de nuire, de créer ces pénuries-là alimentaires, peu importe que ce soit ici ou en Europe. C'est que des prises de décision par des salopards de riches de la planète qui décident de nous affamer. Parce qu'eux autres, ils ont décidé qu'on avait une pénurie alimentaire pour toutes sortes de raisons. Là, c'est le pétrole, la guerre en Russie. Ça va être la guerre en Chine après, avec la Taïwan, si c'est pas l'Azerbaïdjan, je ne sais pas quoi d'autre. Il y a deux petits pays en bordure de la Russie que l'on essaie de foutre le trouble aussi. Mais tout ça, c'est créé par qui? Toujours les mêmes. Suivez l'argent, hein? Puis des pénuries alimentaires au Québec, à la suite de notre été qu'on vient de passer, être en pénurie de salade, il faut le faire. T'sais, on n'est quand même pas rendu au mois de janvier, là. Au marché Jean Talon, ils se cassent le cul pour les vendre. Moi, la pénurie, quand on parle de pénurie alimentaire, ce que je pense surtout, c'est qui organise ça? À qui ça sert? Parce Exactement, que et c'est sûr que tu poses la bonne question parce que là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que l'agenda lié à la pandémie, ça n'a pas fonctionné autant qu'il pensait. ça n'a pas fonctionné pantoute, mon petit. Ben, c'est ça, là. C'est parce que là, comme là, la cinquième dose, en tout cas au Québec, ça pogne plus, là. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont été cherchés à la cinquième dose du vaccin contre la COVID, là. Et tordu, tordu. Non, exactement. Fait que là, moi, ma question, c'est une fois que la CAQ a été réélue récemment, c'est est-ce qu'ils vont nous relancer avec des mesures pour mettre de la pression, pour forcer les gens à se faire injecter la cinquième dose? Ou, vu que le narratif, ça pogne plus à l'international pour les doses multiples, ben, ils vont laisser la situation comme c'est là, mais ils vont essayer de nous contrôler en disant, ah, c'est l'urgence climatique, et puis mettre en place une pénurie alimentaire un peu comme dans les Pays-Bas, là, où ce que là, on interdit les fermiers d'utiliser de l'azote en grande quantité, ce qui Ben, c'est va. passé au Canada, hein, David, en passant. Oui, mais c'est pas encore actualisé comme ça l'est aux Pays-Bas, là. L'été prochain, on va ramasser un tiers de nos récoltes ou à la moitié des récoltes prévues. C'est le but. Tout ça, là, le but de ces pénuries puis de ces prises de décision imbéciles, hein, c'est quoi le but? C'est de nous faire accepter qu'on est trop de monde sur la planète, imagine. Là, on va finir par penser qu'il faut en tuer quelques-uns pour pouvoir survivre, t'sais? Ben, ça induit l'idée, ben, comme récemment, j'écoutais hier un bulletin de nouvelles, puis là, il disait que, bon, si tout le monde consommait comme les États-Unis, ça prendrait, je pense, c'était 5 planètes, puis on a déjà dépassé la consommation récemment des ressources de la planète en 1 an, c'est-à-dire que là, en ce mois de novembre, on consomme plus qu'on a de ressources, de manière à ce que ça soit renouvelé. Donc, on induit l'idée que, ben oui, il y a quelque part qu'il y a trop de monde. Et curieusement, cette année 2022, au mois de juillet, Les pierres de guidance en Géorgie, les Georgia Guidestones, ont été détruites où il était indiqué qu'il fallait réduire la population de la planète à 500 millions d'individus. C'est ça. Donc, il y a un volet du plan qui a été détruit là, par rapport à les différents commandements de la religion que j'appelle écologique qui était dans l'État de Géorgie aux États-Unis. Ça, c'est détruit. Puis curieusement, ben on voit qu'à quelque part, c'est cet agenda-là qui se met en place puis qui semble prendre la relève des mesures de contrôle là, liées à la menace de la COVID. Mais ce plan-là, il est en place, il est en démarche depuis 200 ans, là. C'est pas un plan qui est venu au monde avec les pierres, là, il y a 40 ans, 50 ans. Ils ont juste écrit ce qu'il y avait de plan depuis. Ça fait des. C'est commencé depuis les banques, ça, la création des banques. Fait que c'est quoi? J'ai pas la mémoire de la belle capacité de Berthold pour sa grande capacité à se souvenir de certaines choses. Mais ça remonte de beaucoup plus loin que ça, le plan qu'on se tape aujourd'hui, les amis. C'est un plan qui est pensé et réfléchi depuis très longtemps, puis qui appelait. Oui, exactement. Il n'y a rien de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau sur cette planète-là. Oui, par contre, ce qui est nouveau sous le soleil, c'est l'apparition rapide. J'ai l'impression que la crise a été un élément catalyseur de technologies de contrôle. Si on pense notamment à travers le traçage des gens là, qui a été effectué dans certaines régions de la Chine, pour passer d'un endroit, d'un point A au point B, il fallait que la personne présente son téléphone intelligent comme de quoi qu'il n'y avait pas la COVID. Donc, l'idée que les gens soient surveillés, le traçage aussi des contacts, que ce soit au Québec ou en France, avec le téléphone intelligent, donc la technologie de contrôle qu'il n'y avait pas il y a 200 ans pour actualiser un point de contrôle mondial est là aujourd'hui. C'est ça. Ils peuvent appliquer le but, c'est le contrôle. C'est toujours de nous contrôler complètement. Ça, c'est l'objectif final de ces salopards, que je vais juste dire les salopards. C'est le 1% de la planète, les salopards, qui mènent 99% des petits moutons qui suivent. Puis qui savent qu'on suit. En passant, j'aimerais ça qu'on aborde que le Québec est particulièrement visé. Je pense que les gens ne comprennent pas, là. Qu'est-ce que tu veux Regardez dire? la situation du Québec dans le monde. Parce que là, chez TVA, là, puis Radio Tralala, parce que si vous écoutez ça, c'est sûr que vous êtes influent. Même si vous pensez bien brillant, vous êtes sous influence avec eux autres. Lâchez les nouvelles, là, puis allez voir ailleurs ce qui se passe. Puis étrangement, on est les seuls taouins quasiment sur la planète encore à se faire chier avec des consignes de mouchoirs d'en face puis des vaccins. Le Québec est un peuple qui a été détecté comme mouton. Les analyses. Là, je vais reparler de ce qu'a Hitler de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont compris comment l'ingénierie sociale, comment manipuler. Il faudrait lire un livre qui est très aride, qui s'appelle Psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich, qui a été écrit, qui explique très, très bien comment les Allemands ont pu mettre Hitler au pouvoir, exactement comme on vient de mettre Legault au pouvoir. Ah! Oh! On dort ça, soit ici. Non, on est zombifiés ici. C'est ça la réalité du Québec. Pourquoi ils nous ont ciblés? Parce qu'on est un peuple mou, puis on a plein de ressources. Fait que si on ne déguédine pas, ils vont venir s'installer ici après que les États-Unis vont les avoir colissés dehors. Fait que ça va être nous autres qui va être pognés qu'eux autres. C'est une possibilité, mais moi j'ai l'impression que François Legault a été réélu en ce mois en octobre 2022, tout simplement parce que d'une manière pas très subtile, il a dit aux gens en période d'augmentation du coût de la vie galopante, on va vous donner des chèques si on est élu comme les chèques qu'ils ont eu au printemps. Je pense pas que ça. Non, je pense pas que ça. Bon, en tout cas, je ne sais pas. Je pense pas que ça a influencé le vote. Premièrement, je pense même pas que le vote a été influencé par ça, mais plutôt qu'il a été volé. Je ne crois pas aux élections, voilà, là. Vous pensez que c'est qu'en aux États-Unis qu'on se fait voler nos élections? 38% des Canadiens ont voté pour Trudeau qui se retrouve au pouvoir. Il y en a quand même 64% qui ne l'aimaient pas, Chris, là. Pas loin. Comment ça se fait qu'un Legault se retrouve au pouvoir avec 90 sièges quand on l'aime moins qu'il y a 4 ans? Mais il y a Mais un petit peu plus de sièges. ça dépend pour qui. C'était lui le parti le plus populaire là, de la CAQ là, aux élections. Puis moi, j'ai l'impression que le fait Allez, qu'il. vous me ferez croire que la CAQ a gagné au Québec. Oubliez ça. Moi, j'ai l'impression qu'il a acheté des votes. T'sais, il a donné 500$ au. Ben, en fait, c'est un retour d'impôt, un crédit d'impôt de 500$ au printemps. Là, il en redonne un autre qui est prévu d'ici le temps des fêtes. Ben. Ouais. Puis, pardon, il nous donne 1 000 $, puis il nous encule pour des milliards. Là, se faire. Non, non, merci. C'est tout de la magouille, ça. Pour moi, je comprends qu'on peut croire encore au système démocratique du Canada puis du Québec, mais vous allez découvrir que c'est absolument faux. Puis le premier qui nous a trahis, c'est René Lévesque, puis le monde pense encore que c'est un héros. Fait que, regarde, dis-moi. Non, mais il ne faut pas être naïf. C'est sûr que je sais que les dés sont pipés, puis l'opposition est contrôlée, ou sinon, c'est une voie de garage. T'sais, on a regardé qu ce qui s'est passé avec Duhaime récemment. Ouf! Ben, j'imagine que tu écoutes comme moi, là, une fois de temps en temps, Dan Pilon, là, ce lanceur d'alerte sur YouTube. J'ai suivi Duhaime tout le long de sa campagne, mon ami. J'ai pas suivi Pilon, je l'ai suivi lui, mon Christ. Puis si une chose, je l'ai pas dans la face, je battrais le cul carré. Ben là, c'est ça. C'est parce que pour les gens qui nous écoutent en Europe, si on résume un peu ce qui s'est passé, c'est que lui s'est présenté comme l'opposition officielle, que c'était pour lui important qu'on soit libre chez nous. Donc, tu sais qu'on est. Présenté. Attends un petit peu, Oui. David. Je suis très au courant de ce dossier-là. Le Parti conservateur du Québec a une charte. C'est pas lui qui a créé la charte, c'est les fondateurs du Parti conservateur du Québec qui ont modifié la charte il y a quelques années. Et le premier principe de cette charte, c'est le libre choix. Fait que Duhaime, quand il prend le veston du Parti conservateur du Québec, c'est pas lui le Parti conservateur du Québec. Il est le représentant du PCQ. Il n'a même pas été capable de tenir la ligne jusqu'au bout. Il a commencé pro-choix, puis il a fini comme un ballon dégonflé avec un bâton dans le cul. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur, tout simplement. Comme la plupart des Québécois qui ont peur. On a tellement peur. On a tellement peur. On a peur. On a peur. On a peur de chier à côté de la toilette, puis que quelqu'un nous chicane. On a peur de... On a peur au Québec. On est des chieux. Je suis désolée, je suis un peu fru, là. Mais on est des chiens. Il va falloir qu'on le réalise pour devenir courageux. Parce que si on reste dans l'idée qu'on est un peuple courageux puis qu'on est donc solide, là, on va se faire enculer vaseline non incluse, là. Non, ben, je suis pas naïf par rapport au peuple Ah, québécois. parle pour toi d'ailleurs. OK, excuse. Non, mais c'est bien correct, mais tu sais, dans le sens que lui, justement, il était supposément pour le libre choix en matière de vaccination, etc. Il n'a pas vraiment dérogé de ça. C'est plus ce qui m'a Il contrarié. n'a pas dérogé. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Il a dérogé solide. Quand on l'a interviewé à la TV, il a glissé sur tous les terrains qu'il pouvait. Il n'a jamais parlé de ce que c'était vraiment. Aussitôt qu'il est apparu à la TV, il est devenu une mollasson. Puis là, c'est rendu que Dumont puis Lagacé sont ses meilleurs petits amis qui le poussent dans le cul. Hey, je sais pas, moi, je vais m'en souvenir de Dumont puis Lagacé qui m'ont traité d'édenté, de covidiot, de camalade, de je sais pas quoi, de malade mental, de psychiatrique. D'égocentrique, de narcissique, je sais plus, Chris, les normes de l'ombre, c'est qui génère la guerre et la violence? Ben, c'est ça, Je eux autres, ils ont suis une stressisé tous les noms 99 injectés. encore ça? Voyons donc. Non, c'est ça, ils ont tourné leur fusil d'épaule parce que là, Éric Duhaime, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tourné le dos à Dan Pilon, aux autres lanceurs d'alerte au Québec. D'abord, d'abord. Va m'étouffer. Non, mais c'est parce que. Étouffe-toi pas, là. Parce que les gens ne me voient pas, mais je mange une clémentine, excusez-la. A Merci. été manipulée. Je ne sais pas qui a mis. Moi, Dan Pilon et compagnie, c'est pas eux autres que je. C'est pas tant eux autres. Mais oui, ils ont une portée importante, là. Mais est-ce que je pensais que le Parti conservateur pouvait avoir une certaine portée? Il aurait eu la portée nécessaire. Écoute, il y a 530 000 personnes qui ont voté pour le parti, puis c'est parce qu'ils ont triché, parce que d'après moi, il y en a plus que ça, pas mal. Mais. Mettons qu'on a 530 000, c'est le même nombre que les autres partis libéraux, les autres. Qui a mis au monde ce parti-là? C'est sa base et j'en fais partie. Puis je ne m'appelle pas Dan Pilon. Je suis une madame bien ordinaire de 61 ans qui a décidé d'essayer de s'impliquer dans un parti qui prônait quelque chose sur lequel j'adhère, le pro-choix. Que le monde ait envie de se faire vacciner, de se faire faire ce qu'il veut, c'est le choix, en autant qu'on ne l'impose pas. C'est simple. Et là-dessus, les bases du Parti conservateur. Là, on a vu M. Duhaime, les 60 000 membres sont partis avec 500 membres, ça a monté à 60 000 membres. C'est qui les 500, les 50 000 membres, mettons, là, j'en laisse 10 000 à lui, là. C'est des gens comme moi qu'on traite de complotistes, de toutes sortes de noms. Duhaime embarque là-dedans, lui, il nous défend pas. Ben non, c'est Là, parce que là, il tu es voulait. en train de courir après Dan Pilon puis après Samuel Grenier pour faire des lives avec eux autres pour pouvoir parler, là, parce qu'il va perdre sa base, puis le Parti conservateur, il va cracher dans la boîte à Mais c'est chiens. parce qu'il a renié sa base en reniant justement les gens qui étaient sur les médias alternatifs, qui voulaient une alternative au gouvernement officiel, en voulant pas parler justement à Grenier, puis Long, ben lui, il a voulu être Il a politiquement fui correct. tout le long. Tout Comment? le long, il a fui Samuel, il a fui les lanceurs C'est d'alerte. ça. Il veut venir lui parler parce que la mort des prix, parce qu'il va perdre de toute façon. La mort est tellement pris que soit le parti va être éliminé ou c'est lui qui est éliminé. En Exact. avril 2023, il y a un congrès, là, puis tout ce mois, j'ai renouvelé ma carte pour être là. Puis je voterai pas. Il y a un congrès pour une, ce qu'on appelle, ils appellent ça un vote de confiance. Ben, il n'y aura pas le vote de confiance du Parti conservateur du Québec s'il se présente. C'est ça qu'il veut s'éviter là, pour l'avril 2023. Parce qu'il va planter, il ne sera pas là. C'est un autre chef ou le parti tombe. Parce que les gens vont sortir. Ben c'est ça, mais pendant ce temps-là, ça a fait l'affaire de François Legault, parce que lui, il reste en puissance pendant que les autres sont divisés en tant qu'opposition par rapport à lui. Ben, la seule façon de réunir le PCQ, c'est de faire sortir du M, puis il va sortir. Je vais m'en occuper personnellement. Bon, on va compter sur toi pour faire le ménage, mais moi, j'ai l'impression qu'à quelque part, Éric Duhaime, sans s'en rendre compte, il a servi l'agenda de François Legault. Ah, comment on arrête de dire sans s'en rendre compte. David, je suis désolée, là, mais à ce niveau-là, c'est pas inconscient. Il savait être. Ce gars-là, il vient de la CAQ. Duhaime, il est débarqué d'où, lui, là, là? C'est un caquiste, ça, au départ, déçu de Legault puis du parti, exactement comme ben des caquistes. Parce que Legault, il n'a rien fait de ce qu'il disait qu'il allait faire. Même si je n'ai pas voté pour lui, j'ai regardé son 2016 sur quoi il se basait. Il n'a rien de ce qu'il a dit Ben qu'il oui, s'est ben fait. c'est ça, c'était drôle parce qu'on pourrait faire même une capsule audio pour, tu sais, il disait, ah, la croissance économique du Québec. Pendant son règne, ça a été des fermetures de commerce, tu sais. Il était supposé réduire aussi la taille de l'État, le nombre de fonctionnaires augmenté. Fait qu'il y a plein de Il contradictions. engage, là. Ben oui, parce que quand une province comme le Québec, qui dépend énormément comme revenu du gouvernement, fait que beaucoup de fonctionnaires, qu'est-ce que vous croyez que ça fait? Des esclaves. C'est pour ça que moi, je veux faire fondre l'État, puis que je parle de. Pourquoi je regarde un parti conservateur ou un autre parti qui parlerait de nettoyer l'État, moins de fonctionnaires, moins de ministères, beaucoup moins d'argent qui est noyauté par le centre. C'est pas à eux de décider tout, c'est pas vrai, ça, là. Donc, je veux bien croire qu'on ne veut pas tout faire de la politique, mais de là à déléguer nos vies à ces gens-là, un instant, non. Surtout pas à Big Pharma ces temps-ci. Non, exactement. C'est sûr qu'on là, on, présentement, on n'est pas sur YouTube. Et puis, c'est sûr que sur Audition, on a plus de marge de manœuvre pour parler. Puis là, les effets secondaires, on en voit une fois de temps en temps, là, en lien avec le fameux vaccin. En tout cas, je ne sais pas, de temps en temps autour de toi, tu veux dire, David? Oui, Juste sur dans. la planète, parce que les effets secondaires, au niveau de la planète, c'est une catastrophe. Ben c'est ça là, c'est que ça, on n'en parle pas dans les médias de masse, mais moi j'ai l'impression qu'à un moment donné ça va rebondir à la surface. Ils peuvent pas étouffer ça éternellement. J'ai toujours dit, la vérité prend l'escalier et le mensonge l'ascenseur. Les gens, le choc, pourquoi je voulais parler de désespoir? Parce que les gens n'ont pas encore. On parlait tantôt d'inflation, tu disais qu'une Oui. crise de COVID, la suite, c'est l'inflation. Les gens commencent à déprimer. Mais je vais être déprimante en esti, parce que ce n'est pas une inflation qui s'en vient, c'est un éclatement de notre système social. C'est des faillites des pays occidentaux qui s'en viennent. C'est pire que 1929. Ce n'est pas de l'inflation, là. Ils vous disent une augmentation de coûts d'inflation présentement autour de 6-7 %. Vas-y faire ton épicerie qui coûte 27, 28, 30 % de plus. Ils nous mentent. Arrêtez d'écouter la télé. Ils nous mentent. Moi, oh, l'augmentation des frais, c'est 6 % d'inflation. Bullshit, c'est fois 10, Chris. Ils nous mentent continuellement. T'as qu'à aller faire ton épicerie pour comprendre que ça n'a pas de sens. Moi, ce qui me coûtait 100 $ il y a 2 ans, m'en coûte 140 présentement. 7 %? Oui, mais eux autres, ils vont dire, Qu'est-ce parce que je te dis, qu'il là? faut que tu le contextualises, c'est-à-dire que l'épicerie a augmenté, mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui n'aient pas augmenté autant. Fait que là, ça amortit la valeur de l'inflation, dans le sens que C'est ça. s'il y a d'autres biens qui n'ont pas, mettons, tu fais des achats en ligne, puis ça revient aux mêmes affaires, mais ben là, c'est pas aussi grave qu'un 30 %, là, tu sais. Oui. C'est ce qu'ils disent, mais c'est pas vrai. Tout coûte plus cher. L'ostéo qui coûtait 90 $ est rendu à 120 $. 40 $, t'as fait combien de 90 à 120? Je sais même plus compter. 30 $ de plus? Hey, Chris, essaye ça de monter ton taux horaire à job, toi, de 30 piastres. Hein? Non, non, mais on est en voie La ligne, Mathieu. d'appauvrissement. David, pardon. C'est le même sur toute la ligne. Alors, ils nous disent que l'inflation, ça dépend de secteur. C'est de la bullshit. Ils vous prennent la tête avec des conneries pour essayer de vous faire avaler ça. Mais regardez vos vies. Regardez, tu le parlais de capacité de paiement qui commence à diminuer sérieux. Ça commence à être solide. Il y a un an, je vous disais qu'on allait avoir les taux d'intérêt qui allaient augmenter de 6 à 7 fois en 2022. On n'est pas loin de ça. Oui, au Canada, en tout cas, le taux d'intérêt, il y a eu plusieurs hausses là, au cours des derniers mois. Et Puis là, c'est on sûr va que... faire d'autres au mois de décembre, là, David. On va faire 6 augmentations en 2022. Puis j'en parlais il y a un an et demi déjà, puis on me disait que j'étais folle raide. Même les conseillers en placement financier me trouvaient folle raide. C'est drôle, mon comptable me disait que j'étais bizarre aussi. Ah ben, la bizarre, elle a comme raison. Puis c'est pas fini. Ça va monter à 18-19 %. Les taux d'intérêt, Quand vas-y, même t'achètes pas une comme maison. dans les années 1980. Ben oui, ça a monté à 22 % les années 80. J'ai connu ça en passant, je suis né en 61. Hein? C'est parce que là, moi, je me pose la question, c'est où qu'ils veulent en venir avec ça? Parce que ça, si tu augmentes tes Tu es taux... la classe moyenne. Tu es la classe moyenne de tous les pays occidentaux. C'est simple! Plus de classe moyenne, des pauvres, des riches, plus de pays occidentaux. On se retrouve dans un régime de bananes comme dans le Sud, les riches et les pauvres. C'est ça qu'ils veulent. C'est tout. Ça ne marchera pas, mais ils vont avoir fait beaucoup de dommages. On va le payer, ce dommage-là. On ne va pas se sauver. Ben, moi, peut-être qu'il y en a qui se sauvent, là, mais tu sais, je veux dire, ils vont te faire énormément de dommages. Ils ne seront pas capables d'aller jusqu'au bout du plan, ils vont planter, ça c'est clair, parce qu'on sait qu'il y a un autre plan, d'un plan, d'un autre plan, là, c'est compliqué, là, mais ils vont avoir fait tellement de dommages. Oui, exactement. Mais là, c'est sûr que moi, j'ai l'impression que la période dans les prochaines semaines va être plus critique en Europe qu'au Québec, étant donné qu'eux, ils se préparent à des pénuries d'électricité, là. Bon, en Europe, le problème, c'est différent du nôtre, là, parce qu'ils ont quand même l'accès à l'énergie n'est pas aussi facile qu'au Québec, en tout cas. On a quand même l'hydroélectricité la plus développée dans le monde pour une petite surface, là. Pour ça, je rigole quand le gouvernement nous annonce des pannes d'électricité. Il faut vouloir en tabarnak. Je peux vous parler de Hydro-Québec éventuellement, mais pour revenir à la France, je ne sais pas. Je comprends qu'ils vont avoir beaucoup de problèmes, ça c'est clair. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les gens les laissent faire. Fait que, moi, je suis rendu à un, si on parle d'un niveau plus général, là, Oui. de conscience, je suis désolée, mais je n'ai plus d'empathie pour grand-chose. J'ai plus d'empathie pour les Français en France, puis de les Québécois, puis tout ça, là, c'est mort de sa belle mort. Il me restait ça à crever probablement comme illusion. Le collectif sera toujours un collectif. Tu sais, à un moment donné, il faut quand même comprendre que le collectif, ça évolue pas vite. Ce qui va se passer en France, je ne sais pas, ou ailleurs, mais c'est à eux de s'occuper de leurs affaires. Moi, j'ai décidé de m'impliquer dans la vie. C'est une chose qu'on pourrait regarder, de s'impliquer. Si on veut changer quelque chose, il faut s'impliquer dans quelque chose. Puis moi, je m'implique dans mon pays, ma province. Je pourrais partir. En passant, j'ai les moyens de partir. On en a parlé un peu avant l'entrevue, mais je pourrais partir puis quitter le pays au complet. Puis j'ai des invitations dans différents pays où je pourrais aller. Ça m'intéresse pas. Je me suis posé la question. Excusez-moi une petite seconde. Je me suis posé la question quand même une couple de jours parce que j'ai l'option de sacrer mon camp, puis ça me tentait un peu. Mais j'ai décidé de m'impliquer plutôt. Parce que j'ai des enfants qui ont 23 et 25 ans. Puis j'ai pas le goût de mourir en me disant j'ai rien fait pour essayer de les aider et sortir de ce marde-là. C'est ça. C'est une raison comme une autre de vivre. Mais moi, c'est mon plus grand plaisir présentement. Fait que je m'implique davantage dans ma Mais quand vie. tu parles d'implication, concrètement, c'est quoi que tu fais? Ben, je viens de te le dire. Premièrement, j'avais jamais fait partie d'un parti politique. Je me suis inscrit au Parti conservateur. Je les ai suivis. J'ai décidé de m'impliquer. Puis je vais même suivre. Puis ça se pourrait même que je me présente comme ministre. Je ne sais pas. Je l'ai dans le cul. J'ai toujours aimé la politique, moi. Bon, ben pourquoi pas? C'est sûr que si tu te présentes, moi je voterai pour toi. Hein? Moi aussi, je voterai pour moi aussi. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent aussi, mais quoi qu'il en soit, l'implication politique, c'est sûr que, dans le fond, quand le Parti conservateur avait commencé quelques mois, j'étais un petit peu enthousiaste par rapport à eux. Là, c'est plate parce que j'ai tombé comme plus désabusé en disant Moi, j'en viens à la conclusion, peu importe ce qu'on va faire au niveau collectif, ils vont manipuler ça ou saboter ça de l'intérieur pour tourner ça contre le peuple. Oui, ça se peut. Parce que moi, je suis très déçu. Ben, je suis déçu. Je m'attendais un peu que ça allait mal tourner avec Éric Duhaime, là, honnêtement, là. Mais bon, tu sais, je reviens souvent à l'adage qu'André Moreau avait déjà dit, à l'effet que si voter pouvait réellement changer quelque chose, voter serait interdit. Le problème, là, c'est pas de voter. C'est qu'il y a des crosseurs tout le temps. Donc, quand on sait qu'il y a du monde qui vont fourrer le système ou chercher à le fourrer pour avoir des avantages, c'est de se mettre dans une position. C'est pour ça que j'aime la Constitution américaine de 1776. Parce que ces gars-là, ils ont dû y penser à Christ, parce qu'ils ont prévu beaucoup de choses d'abus des pouvoirs existants. Qui dit pouvoir, comme on peut l'avoir ici au Québec comme premier ministre, Canada, ils ont tellement de possibilités d'abuser du pouvoir qu'ils ont qu'il faut qu'on mette des infrastructures de contrôle qui viennent du peuple. Il faudrait que j'y pense davantage, là. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas le vote qui est le problème, c'est qu'il y a du monde qui manipule le vote. C'est pas en mangeant plus de bananes que tu vas guérir de quelque chose à un moment, tu sais, je veux dire, c'est pas en rejetant tout le système. C'est en changeant la façon de travailler avec un système. On peut sortir du système. Il y a bien des gens qui parlent de quitter le système. Oui, c'est une option. Mais on va créer un autre système ailleurs, puis ça va être la même corruption qui va se réinstaller dans quelques centaines d'années parce que le pouvoir corrompt. On a trop d'égo. On n'est pas une race évoluée encore. On a tellement des gros égos Ben, que c'est quand là on que arrive j'allais avec en le venir pouvoir, avec l'instruction supramentale, c'est-à-dire tant que la personne ou un nombre critique de personnes n'a pas connu une épuration psychique suffisamment grande, ces gens-là peuvent pas agir avec un ego de transparence. Donc, à ce moment-là, ces gens-là sont trop orgueilleux, puis tôt ou tard, ça finit tout le temps par foirer. c'est ça, mais c'est pour ça que je dis, tant qu'on n'a pas l'intelligence nécessaire sur la planète pour avoir des dirigeants qui ne nous magouillent pas, ça prend des structures de surveillance indépendantes. C'est pas être indépendant quand Big Pharma fait ses propres injections puis il fait ses propres tests de qualité, ici, là. Ça, c'est le gouvernement du Canada, Santé Canada, qui nous dit, ben ouais, on va prendre vos injections, tout est beau. Hein? Vous avez validé vous-même votre produit, tout est beau. Ben, faut-tu être assez épais? C'est pas épais, ils savent ce qu'ils font. Ils s'en calissent de notre santé. C'est ça que ça veut dire, la santé tralala du Canada, là. Quand tu passes ça, en plus, aux enfants qui n'ont jamais été malades puis qui vont tomber malades, là, c'est terrible. Je ne reparlerai pas des enfants. La dernière fois, j'ai parlé des enfants en live avec toi, je broyais comme une madeleine. Non, mais c'est sûr que... Beaucoup de peine, non, mais ça me met dans une colère phénoménale. Ça, si tu me mets en beau, Chris, mais fais-moi parler des enfants puis du massacre qu'on fait vivre aux enfants ici, là. Puis je vais parler d'ici parce que moi, je ne parle pas de la planète en entier. Mais ça se passe partout ailleurs. Quel amour avons-nous pour nos enfants? On se rend calice de nos enfants. On les envoie des garderies 8 heures par jour, puis après le soir, quand ils arrivent, ils vont bourre de cochonneries puis d'ordinateur, puis va te coucher après tes devoirs. On les a vus 30 minutes. On les aime, nos enfants? Bullshit. Commencez donc par faire des choix qu'il faut. Mais en même temps, les gens sont manipulés par rapport à ce système-là, dans le sens que si le coût de la vie augmente, l'inflation, les gens, il faut qu'ils travaillent plus. Ils travaillent plus, ils ont moins de temps à passer avec les enfants. Fait que tout ça, c'est une roue puis un cercle vicieux. Ben, ça, c'est l'excuse qu'on se donne, mais je te ferai remarquer que j'ai pas gagné des. Moi, là, j'ai pas vécu toute ma vie avec des gros salaires, en passant des petits salaires minables toute ma vie, puis ça m'a jamais empêché de gagner très bien mes affaires. Puis de m'occuper d'enfants. J'en ai eu deux, je m'en suis occupée, puis j'ai payé pareil. C'est pas vrai, c'est des prétextes. Ça, c'est si tu veux avoir trois chars, le char de l'année. Tu sais, les jeunes de 30 ans, Simonac, vous roulez avec des voitures que j'ai jamais eues de ma vie. Il y a quelque chose qui a sauté une coche là, dans les jeunes, c'est qu'ils veulent avoir ce que d'un petit vieux de 60 ans a. Ben, ça marche pas de même. Il y a un temps aux choses, puis c'est se construire dans la vie. Mais tu peux pas débarquer à 30 ans et dire, moi, je visite des maisons présentement. Je te l'avais compté, j'ai vendu tout ça. Je suis sans maison. Je me loue ma maison pour l'instant. Je loue la maison au nouveau propriétaire. On cherchait des maisons. Écoute, des jeunes de 30 ans qui ont des maisons que j'ai même pas les moyens de me payer, moi encore à 61 ans. Je sais pas d'où c'est quoi l'idée là de courir à la course à la plus belle maison du quartier, mais c'est des conneries. Ben là, c'est probablement que parce que le taux d'intérêt était beau quand Bon, ils ont fait l'acquisition. même avec un taux d'intérêt, une maison à 500 000, mon petit loup, là. 500 000 piastres, une maison, un carré plus petit que chez nous ici, là. On se calme? Voyons donc, j'aurais jamais acheté ça. J'aurais jamais eu moyen d'acheter ça. J'ai même pas eu moyen de m'acheter moi-même, tu sais. Tout a monté, ça. Là, on parle pas des prix de billes qu'on a aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui a sauté quelque part, qu'on veut tout avoir sans avoir à faire un mouvement pour. Puis on voudrait avoir des enfants, voudrait avoir un beau petit cadre, bien placé, là, puis tout est beau. Mais ça marche pas de même. Des enfants, hein, ça te donne pas grand-chose. Hein. Ça te donne pas grand-chose de t'acheter un divan neuf, t'es mieux de l'acheter vieux, un esti, là, ça saute dessus, puis ça y pète. J'ai regardé les maisons de ces gens-là qui ont des jeunes enfants, puis je suppose qu'ils jouent aux enfants, là, parce que Christ, tout est beau. Tu peux rien briser dans cette maison-là. Fait que, c'est ça, on lui met des petits mouchoirs dans la face, on les calme devant l'ordinateur, on les exfise un petit peu, tu sais. Comme ça, ils sont moins énervés, ils sont plus calmes. Je dis n'importe quoi, mais ça me. Je blasse, là, mais. En tout cas, il y a une réflexion à avoir. Quand tu veux des enfants, il y a quelque chose qui s'appelle la carrière est mise de côté. Fait qu'il y en a un des deux, faut il faut qu'il mette de côté sa calisse de carrière. C'est ça qu'ils ne comprennent pas le monde. Ah, ben non, écoute, tu fais vieille fille, vieille madame, tu parles comme une petite vieille, le féministe nous a libérés. On n'a rien libéré pantoute. Chris, on est rendu au double emploi. On passe notre vie à essayer de payer des factures, puis on ne s'occupe plus de nos enfants. Qu'est-ce qu'on a gagné, Simonette? L'esclavage supplémentaire? L'esclavage économique. Puis après ça, tout le monde a de la misère. J'ai plein d'amis de mon âge qui ont des enfants de 19, 20, 30, 20, mon âge aussi. Et bizarrement, je suis une des rares dans tout ça qui n'a pas de problème avec les enfants. Mais j'étais là dans le temps, tabarnak, par exemple. C'est ça qu'il faut comprendre. Donner du temps aux enfants. Ils ont besoin de temps avec le parent, pas toujours avec la gardienne, puis le garderie, puis la petite madame à l'école qui applique les règles du gouvernement. C'est ça que ça prend du temps. Fait qu'il y en a. J'ai pas fait carrière dans ma vie. C'est un choix que j'ai fait. J'étais devant le choix. Par rapport à ça, j'ai pas accouché de ces enfants-là. C'est un choix que j'ai dû faire en réfléchissant. Si j'embarque là-dedans, je m'occupe d'enfants, c'est sûr que je me mettrai pas autant de temps sur ma carrière. C'est pas grave. Ça me dérangeait pas. J'ai fait ce choix-là. Mais quand on fait un petit bébé, il faut se demander la même question. Est-ce que je suis capable d'y donner le temps nécessaire? Sinon, passez votre tour. Attendez la prochaine vie. Je sais pas, moi. Mais il faut s'occuper de nos enfants. Là, on est en train de laisser ça entre les mains de l'État. Ils vont faire ce qu'ils veulent avec ces petites bébêtes-là. Puis c'est programmable, des petits-enfants. Alors, tu sais, l'autre fois, je lisais un commentaire d'un idiot fini. Excusez-moi, je suis rendu là, j'ai plus de mots, parce que je reste pas poli, moi, comme d'autres, là. Un idiot fini qui dit « Les enfants s'habituent à tout. » Ah. Ben oui, les enfants s'habituent à tout. Du con. Ben, il y a des enfants que j'ai vus faire la guerre au Guatemala, puis en Afrique aussi. Regardez-les à l'âge adulte de quoi ils ont de l'air. Ils sont tous des malades mentaux dangereux, câlisse. Ben, ils s'en donnent pas tout. Mais des enfants qui tuent des adultes, ça les marque, puis ça les fait bizarre dans la tête, en esti. Fait que venez pas me dire que les enfants s'habituent à tout, s'adaptent à tout. Oui, ils s'adaptent. Ils sont résilients, parce qu'ils survivent. Mais ça fait pas d'eux autres des brillants après, ceux-là. Non, non, mais surtout c'est qu'ils commettent des meurtres rituels en Afrique, là, où, comme j'avais déjà vu là, sur Netflix, il y avait un film, ça s'appelle Beast of No Nation. En tout cas, c'était vraiment très. Je recommande pas nécessairement aux gens d'écouter ça, là, mais c'était très sombre, là, dans le sens que l'initiation des jeunes, c'était, mettons, tuer quelqu'un à machette, là, tu sais. C'est ça. Fait que, Des non, non, c'est. Tutsis puis des Hutus, là, c'était pas Jojo non plus. Ah, non, non, non, c'est ça, Moi, là, j'aime donc. ça. Et en tout cas, sans commentaire, j'ai vu un défilé au Guatemala il y a 30 quelques années. Guatemala, des enfants de 12 à 18 ans avec des armes dans une armée en train de défiler comme des soldats. J'étais de même. À la gueule ouverte, elle m'a pris quelqu'un fermé tellement j'en revenais pas. Fait que, venez pas me dire qu'on aime nos enfants sur la planète. Je parle pas de personnes individuelles, là. Je parle de l'ensemble de la race humaine. On a des croûtes à manger en estime. On est bien trop, comme on le dit, trop d'égo. Donc, pour l'instant, comme l'égo est trop gros chez la plupart des gens, ça prend des instances de surveillance externes et indépendantes. Un exemple de ça, qui a validé les élections du Québec? Une institution financée par le Québec qui se valide elle-même. Ah, ça va bien dans l'action. Non. Moi, si je veux savoir si c'est pas quelque chose des élections vraiment, donnez ça à une infirme indépendante, puis je veux qu'elle soit indépendante, puis je veux des témoins, des gens comme moi, qui vont être témoins du recomptage, puis qui filment avec des caméras. OK, là, je vais vous croire. En dehors de ça, manger de la marde ou quoi. Ben, c'est sûr, ça serait bien une firme indépendante ou comme ce qui est la question des élections qui auraient eu cours là, par rapport à l'annexion des pays là, de l'Ukraine à l'Est, là, à la Russie, là. Parce qu'il y a eu un Ils ont scrutin. voté pour être là. Ils ont voté, ouais, c'est ça. Tu parles du Donbass. Ouais, c'est ça, dans la Ils région du sont déjà Donbass. frontaliers de la Russie, mais ça fait depuis 2014 qu'ils demandent à la Russie de venir. C'est ça, mais là, moi, ce que je reprochais à ce qui s'est passé récemment, Poutine dans sa manœuvre, c'est que lui, c'est sûr, la façon qu'il a géré ça, il a sans doute présenté une question de manière à ce que les gens votent pour, mais tu sais, il n'y a pas d'instance indépendante. Puis après ça, Zelensky, puis les pays de l'OTAN vont dire, ben, c'était truqué. Fait que c'est sûr que s'il n'y a pas d'instance indépendante pour chevaucher tout ça, surtout dans le contexte de guerre qui court entre la Russie et l'Ukraine, c'est sûr que le parti opposé va dire que c'était biaisé. Là, ouais, je comprends, mais mélangeons pas les légumes avec les patates, là, puis les potailles et carottes. Premièrement, les trois provinces dont tu parles, ils ont demandé un référendum il y a bien longtemps, bien avant cette guerre. Et la Russie n'y allait pas. Ils ne voulaient pas intervenir. Ils voulaient, mais ces trois régions-là demandaient à la Russie d'être annexée par référendum à la Russie. Ça, c'est 2014-2015 ou même avant, si ma mémoire est bonne. Mais pas bien bonne en général, méfiez-vous. Mais bref, c'était bien avant la guerre en Ukraine, là. Donc, la Russie n'y allait pas pour pas justement provoquer. Mais là, l'OTAN, en ayant rapproché ses frontières, continuellement, l'OTAN se rapproche, ne respecte rien. Les ententes de l'OTAN avec la Russie, ça a pris 2 semaines qu'ils défaisaient l'entente. Ils ont quand même été patients, les Russes, en passant, même si Poutine n'est pas parfait, là. Ça fait longtemps qu'ils se font envahir puis qu'on essaie de les enclaver. Là, ils essayent de foutre la bordel, l'OTAN, dans toute la frontière de la Russie autour, là, la Pologne, puis l'Arménie. Puis... What the fuck? À qui ça sert, ces hosties de cochonneries-là, là? Encore une fois. C'est qui que ça paye? Bidon, tabarnak. Mais je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. OK, on va parler d'autres choses parce que je suis très au courant de ce qui se passe. Mais il y a de la propagande des deux bords. Fait que ça devient difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, là. Tu sais, en temps de guerre, c'est Oui, pas. ça devient difficile à départager, là. C'est sûr, la vérité est la première victime en temps de guerre. La guerre de la Russie présentement contre l'Ukraine s'est déclenchée depuis très, très longtemps. Alors, il ne faut pas penser que c'est une guerre qui débarque là, de n'importe où, puis que Poutine est un hystérique de la feuille. Poutine, il vit dans un pays, comment on dit ça, multiculturel, comme on n'a jamais vu. On n'a même pas ça ici. Alors, tu sais, respirer vers le nez, là, on a des leçons à regarder un petit peu d'eux autres, parce qu'ils vivent avec des musulmans, ils vivent avec des gens de toutes sortes d'origines ethniques. Puis, c'est pas tant la guerre que ça en Russie, là. Ils ont trouvé un terrain d'entente, démocratiquement ou diplomatiquement, depuis la fin de l'URSS. Il y a du monde qui cherche à déstabiliser ça, puis c'est ça qu'il faut regarder. C'est qui cherche? À qui ça profite, cette guerre-là? Puis en passant, pourquoi le Canada a envoyé 2 milliards de dollars de nos beaux argent en Ukraine? Ça ressemble à du blanchiment d'argent tabarnak, ça. Mais là, on va nous battre, on va aller se battre en Ukraine. C'est pour Mais ça... les aider. Oui, ça les aide beaucoup. C'est le pays le plus corrompu, parce que le blanchiment d'argent passe à fond la caisse. Il n'y a pas de problème. On va les aider, les crosseurs. C'est un pays de magouille, l'Ukraine. C'est un pays qui a été développé par Bidon et les Américains. C'est des Russes, l'Ukraine. Je ne sais pas quand est-ce que le monde va le comprendre. C'est des Russes d'à peu près 90% du pays. Ben, des russophones, tu veux dire, là? Oh. Mais oui, ils ont été proches de la Russie, puis c'est. Ils se considèrent russes, beaucoup d'entre eux. Russes, mais dans le vivant en Ukraine, ou de langue russe, ou d'origine russe. Mais cette guerre-là est nourrie par d'autres choses, par des intérêts financiers qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Le peuple, je parle. Ce qui est triste là-dedans, j'ai un ami, j'ai un conseiller en placement qui est d'origine ukrainienne, en passant russe-ukrainienne. Puis, tu sais, il y a tendance à prendre position polarisée vers l'Ukraine. Puis, à un moment donné, j'ai dit, tu sais, là, une guerre, quelle qu'elle soit, c'est toujours les mêmes qui payent. Il n'y a pas de raison, en 2022, qu'une guerre ne se règle pas de façon diplomatique. La seule chose qui fait que ça ne marche pas, c'est qu'il y a du monde qui ne veut pas que ça marche. Fait que posez-vous la question, à qui sert la guerre? Sûrement pas à Poutine. Poutine, là, son pays a fait beaucoup d'argent. C'est pas, il n'a pas besoin d'une guerre pour. Lui, il est obligé de gérer son pays, puis une guerre, puis les frontières qui s'étirent. Mais c'est pas ça qu'ils voulaient, eux autres, là. Ce qu'ils, la Russie, il le dit, puis ils l'ont prouvé. Il y a des laboratoires de niveau 4 en Ukraine depuis des années qui projettent des cochonneries sur les frontières et dans le pays. Ils servent de cobayes. Ça, ils l'ont montré à l'ONU, mais ils ont refusé de regarder les preuves, là. Ça, c'est comme la justice en général, où ils ne regardent rien, puis ils disent, non, non, il n'y en a pas de problème, on n'a rien vu. Ouais. Mais l'ONU, là, entre les mains, les preuves des laboratoires qu'il y a en Ukraine, puis ils ont aussi les preuves de l'attaque. Tu sais, il y a des limites, là, le gaz, les gazoducs dans l'océan Indien, là, c'est qui a attaqué ça? C'est pas, tu sais, on écoute la TV, puis ils disent, la Russie a détruit ses pipelines. Ben oui, mais faut-tu être idiot de penser de même? Ils nous prennent pour des idiots, on doit être assez idiots pour croire ça. Parce que franchement, pensez-y 2 secondes, ça a coûté des milliards, 30 milliards de dollars, là, puis les Russes vont les se tirer dessus eux-mêmes. Hey! Voyons. Poutine n'est pas un idiot. C'est un joueur d'échecs très, très avancé et très intelligent. Il n'est pas allé tirer lui-même sur ses pipelines. Il avait rien Quoique, il pourrait coupé faire peut-être le une autre. robinet. Il avait coupé le robinet, lui, pour dire on n'en a plus Non, de non, gaz dans je comprends la l'Atlantique. logique, mais tout est possible dans des opérations sous faux drapeau. Moi, je ne serais pas surpris qu'un jour, la Russie fasse exploser une bombe nucléaire ou l'Ukraine, puis va dire que c'est. Non, non, c'est le parti inverse qui a fait ça. Non, non, non. Ben oui, on pourrait bien dire n'importe quoi, mais réfléchis. Alors, regardez la Russie comment ils réfléchissent. Ils ne sont pas rentrés dans une guerre comme bidon et 2 doigts dans le nez, puis le reste de la main dans le trou de cul, pas de tête. Poutine, il a toute sa tête, puis il est pas malade mental, puis il se prépare depuis des années parce que ça fait 75 ans qu'on essaie d'éliminer la Russie. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, Christ, ils ont même réussi à fourrer la Russie à la Deuxième Guerre mondiale. Qui en fait a sauvé la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Russes qui ont permis que ça arrête à un moment donné. Ils ont tué des millions de soldats qui ont été tués sur les champs. Il n'y a pas rien que des Québécois qui sont débarqués sur le bord de Normandie, là. Ben, c'est les Russes et les Américains, les deux Non, principales c'est superpuissances qui ont neutralisé Hitler, là. les Russes en dernier, Madame David. Mais bon, continuons, ce n'est pas important pour aujourd'hui, là. Mais ce que je veux dire, c'est d'arrêter de dire. Ils se tirent, le pont de la Crimée, c'est les Russes aussi? Voyons donc. De toute façon, ils ont prouvé que le Nord Stream, ce n'est pas les Russes qui ont tiré dessus, c'est les Anglais. Les Anglais d'Angleterre qui s'en sont mêlés à partir de la Suède. Ouais, ben c'est ce que j'ai entendu aussi sur les réseaux alternatifs. J'imagine que, tout comme moi, tu écoutes toujours Alexis Cossette-Trudel. C'est Xavier Moreau que j'écoute sa Russie, mais non Alexis. OK. Xavier Moreau, Stratipol, c'est le meilleur au monde. Il y a un taux d'erreur très bas. Il se trompe un peu, là, ça arrive un peu comme Alexis, mais Alexis, pour moi, c'est le spécialiste des États-Unis, mais pas de la Russie, même s'il en connaît quelque chose. Là. Mais Xavier Moreau, si les gens s'intéressent, allez écouter Stratipol. Xavier Moreau sur Odyssée. Il est boycotté sur YouTube, il dit trop des choses réelles. Mais ceci dit, on peut passer à autre chose que la guerre. C'est déprimant, mot t'as dit. Pour le monde déprimé, il n'y a pas de solution, même. Non, exactement. Là, quoique c'est sûr que ça a beaucoup d'impact dans le sens que j'avais entendu dire qu'en Angleterre, le coût pour le chauffage a augmenté de 80% pour l'hiver là, qui s'en vient. Peut-être plus. En France, il y en a qui parlent de 300 %. En Allemagne, là, il y a un monsieur qui avait fait aussi en Allemagne, ça n'a plus de sens, là, les coûts, ça va me mettre en faillite la plupart des industries. Le pays le plus fort de l'Europe, c'est l'Allemagne, puis ça va être le premier à s'effondrer. Fait qu'il y en aurait, à qui ça sert l'effondrement de l'Europe en passant? Aux États-Unis qui vont devenir plus forts. Et Comme voilà! après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était effondrée parce que c'est sûr qu'en Allemagne, il avait été bombardé par avion, entre autres. Donc, si l'industrie est à terre en Allemagne, en France, mais là, il va rester les États-Unis pour produire les biens de masse à un prix abordable. C'est ça, c'est le jeu des salopards. Oui, puis il va rester aussi la Chine. Ça, c'est un autre sujet, on verra plus tard. Oui, mais Xi Jinping, je le surveille parce que il veut rester éternellement au pouvoir, tu sais. Il n'y a pas de mandat, là, tu sais. C'est vraiment indéfiniment qu'il veut se maintenir au pouvoir. Bon, oui, je sais, parce que j'ai écouté une conférence, bon, il y en a qui m'ont défrisé, là, mais j'écoutais Trump dans une entrevue qui expliquait sa rencontre avec Xi, puis il appelait Sa Majesté, puis l'autre, il disait, non, non, je ne suis pas un roi. Il dit, ben oui, vous êtes un roi, vous êtes élu à vie. Fait il dit, What can I do you, King? J'adore Trump, son côté baveux. Bon, sans commentaire. Mais c'est un sujet complexe, la Chine, je ne veux pas parler, parce que j'en connais, ça c'est un sujet que je connais moins bien. Quoi qu'on a vu des choses se passer, là, on a vu son bras droit se faire sortir publiquement lors du congrès du Parti communiste, là. Fait que son bras droit étant très pro-Biden, ça peut donner l'impression que si, comme je l'ai toujours pensé, il est de connivence avec Poutine et Trump. C'est un mondialiste qui essaie d'éliminer même le deep state chez eux. Et ça, c'est Thierry Mona. On verra dans quelques années si c'est réel. Mais je pense qu'une Exactement. alliance stratégique entre Poutine, Xi et Trump, bien avant le déclenchement des 3 dernières années. Je les considère comme des mondialistes, pas des mondialistes, des nationalistes en guerre contre les mondialistes. Quoique la Chine a, au fil du temps, a courtisé beaucoup de pays, dont notamment là, plusieurs en Afrique, pour faire une forme de néocolonialisme où ils vont leur construire, par exemple, des ports, puis en contrepartie, eux autres, ça leur donne des ports d'attache, c'est le cas de le dire. Oui, mais d'être nationaliste ne veut pas dire que tu ne fais pas de commerce avec l'étranger. Non, exactement, mais là, quand tu es rendu, j'ai écouté un documentaire récemment sur Xi Jinping qui était diffusé à Radio-Canada, où il était question qu'il y avait au moins la moitié des pays d'Afrique qui avaient des ententes économiques avec la Chine. Mais moi, déjà, tu me dis Radio-Canada, mes oreilles sont bouchées, il n'y a plus rien qui rentre. Je ne sais pas ce qu'il dit, c'est réel, mais c'est vrai que la Chine est très présente en Afrique, je suis d'accord avec toi. Quelles sont les conséquences de ça réellement? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que le Mali est en train enfin de se débarrasser des hosties de trous de cul au pouvoir au Mali depuis 60 ans, qui est relié à la France, au gouvernement français. Hein? Mais le Mali, là, ça fait 60 ans qu'il est noyauté par des salopards. Puis là, il s'en débarrasse. C'est étrange, pareil. En tout cas, intéressant. Ouais, Le Mali est un pays très riche en ressources. mieux vaut tard que jamais pour faire le ménage, là. C'est sûr que il va y avoir des pays qui vont peut-être se réveiller pour faire de la décolonisation. Moi, c'est la suite de la colonisation, ce que j'appelle le néocolonialisme, mais parce que l'Afrique de l'Ouest a tellement été. Tu sais, je connais bien l'histoire du Burkina Faso, entre autres. Là. Le Burkina Faso, qui est un pays extrêmement avant-gardiste, qui parlait déjà d'autonomie il y a 40-30 ans, s'est fait ramasser solide par la Côte d'Ivoire, en complaisance avec la Côte d'Ivoire, la France et peut-être le Sénégal, je ne suis pas sûre, on n'est pas sûr. Sont fait rentrer dans le corps solide, ils ont tué le président, puis ils s'en sont débarrassés, puis comme ça, ben, on ne pouvait plus rien faire. Parce qu'il y avait un président au Burkina Faso qui parlait de l'autonomie du pays, de l'alimentaire, l'importance de rendre le pays indépendant alimentairement. Puis c'est vrai qu'il n'a pas survécu longtemps. Fait que Non, habituellement, les gens qui parlent d'indépendance, on pense à Kadhafi, ils ont fait tomber son régime. Oui. On les fait passer pour des trous de cul ici, mais en réalité, c'est des gens qui essaient de sortir le pays de la mort. Ça fait partie des lois d'inversion des réalités. Kadhafi, tu dis Kadhafi, tout le monde pense que c'est un terroriste, mais c'est Ouais. qui les terroristes vraiment? Les vrais terroristes, là, c'est Londres, les États-Unis, Washington, puis le Vatican, puis les hosties d'armées de marde, puis de cochonneries par en dessous avec le milliard. C'est ça la vraie réalité. Fait que ces gens-là ont des impacts sur à peu près toute la planète au complet. Là. Ouais. On n'est pas dans une situation facile, hein? Non, c'est ça. On vit au Québec et le Canada est régi par les forces mondialistes, là, où, Justin Trudeau, qui fait partie des jeunes dirigeants là, du Forum économique mondial. Donc, tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est plate, là, mais on est encore dans la mouvance mondialiste, sans doute encore pour plusieurs années, là, aller dans le sens de l'agenda, là, vers les objectifs 2030, là, les Global Goals, là. Bon, ben, je vais m'écouter, je vais poser la question. Pour les mondialistes, on en a-tu jusqu'en 2030? Non. Ça va se finir avant. Puis il ne passe pas. Tu peux Bon. me questionner, il me contacte, moi, je pose des questions, il me répond. Puis après, c'est enregistré, on peut se valider. Oui, exactement. Bon, mais ben, tant qu'à parler de trucs en lien avec l'avenir, par rapport à la date du 24 février 2023 que nous parle Richard Glenn. Non. Ben oui, mais il y a beaucoup de monde qui parle de ça sur Internet. C'est ça, on se rapproche de 2023. Donc, présentement, qu'est-ce que Il n'y a personne qui va savoir ce qui va arriver par la date, oubliez ça. Fait qu'arrêtez de vous faire niaiser avec des dates. C'est ça que je réponds. Ils n'avertiront pas Parfait. d'avance. Vous ne le saurez pas d'avance. Puis il n'y a rien pour vous sécuriser. Voilà la réponse. C'est plate, hein? Non, tu fais preuve de franchise. Bon, ils sont assez carrés, ces dates. Ils n'aiment pas bien ça. Premièrement, c'est une illusion. Il n'y a pas de date. Ils ne nous diront jamais notre avenir. Ils ne répondent pas à ça. Fait que Monsieur Glenn, là, à part paniquer, il ne fait pas grand-chose. Mais tu vois, ça fait 30 ans qu'il répète le même sujet. J'imagine qu'il s'est cru, lui, là. Ben, en tout cas, lui, c'est sûr qu'il parle de ça, justement, là, depuis longtemps. Puis Les Bernard. extraterrestres, même ça, Chris, je ne suis pas sûre que ça va être Chris. Même les hosties d'extraterrestres dont il parle, là, je suis même pas sûre que ce n'est pas nous autres qui vont les avoir inventés, Calis. David, ils ont 100 ans d'avance technologiquement, ils peuvent nous faire croire n'importe quoi. C'est pas Parce que ça. plus. Ben oui, c'est ça, c'est pas plus. Fait qu'ils peuvent même nous faire un show d'extraterrestres s'ils veulent avec des petits hommes gris-bleus, là, il n'y a pas de souci. Des petites bébêtes. Non, je te l'ai dit, moi, le seul extraterrestre que je vais reconnaître, c'est moi-même si je me reconnais. Pour ce qui est du reste, je vais. Fake Oui, mais à ce moment-là, tu serais une terrestre extra. news! C'est ça, je vais être une terrestre extra. Mais pour M. Glenn, 24 février 2023, je sais ce que ça me répond, c'est que c'est de conneries. Il ne dit pas conneries, mais il dit c'est impossible qu'il le sache. Il n'y a rien de ce qu'il dit qui va être. Il n'y a rien qui va être dévoilé. Il a peur. Il a peur pour monsieur. Mais en tout cas, lui, il s'en va ailleurs. Là, ce qu'il disait. C'est qu'il déménageait à un autre endroit parce qu'il vivait à Mont-Saint-Hilaire. De ce que je comprenais, c'est que les grandes villes là, pourraient être prises d'assaut avec des événements à venir là, qui pourraient créer des chocs. Puis là, c'était comme dans son discours, de ce que je captais, c'est qu'il invitait les gens là, de s'éloigner des grands centres, là. Ouais. Les décodeurs disent la même chose depuis 2 ans. Mais vibration, la vibration. Pas une connaissance, une vibration. C'est savoir ce qu'on a à faire au moment où c'est nécessaire de le savoir. Fait que si ta vibration de déménager, tu déménages. Ta vibration de faire autre chose. Je pense qu'on est dans une période de temps où on peut vraiment faire des changements de direction à 360, 180 degrés solides. Je pense qu'il y a une ouverture à ça pour des gens qui ont le goût de changer de vie. Comme moi, je l'ai dit, je change de vie, j'ai tout vendu. Je deviens rentière et non retraitée. J'aime pas le mot retraité, c'est pour ça que je dis ça. Mais je sais pas, non, je ferai plus. C'est sûr que je fais plus la même chose, là. Je vais faire autre chose. Je vais peut-être. Je sais pas. Peut-être premier ministre du Québec. Ben oui, mais pourquoi pas? Ah, ça. Mais je rigole avec l'idée parce qu'on me l'avait envoyé, mais moi, ça peut être du niaisage astral, je ne sais pas. Puis quand j'ai eu l'idée, ça m'a passé dans l'esprit, je suis partie à rire, j'étais toute seule dans la maison, je suis partie à rire, j'ai dit, en tout cas, c'est pas moi qui va provoquer ça, il va falloir que me mettiez ça dans la face en tabarnak. Parce que c'est pas moi qui va m'implanter. Si jamais, parce que ça se pourrait que j'aille jusque-là, semble-t-il, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais que je ne fais plus la même chose, par exemple. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire d'autre, à part construire une maison, là. Parce qu'on a plus ce projet-là. Mais on verra. OK. Mais sinon, en fait, les questions que j'avais au niveau de l'avenir, c'était de voir, Est-ce que la situation va s'empirer de plus en plus dans les prochaines années au niveau économique? On parle Et de te répondre, possibilité d'une tu trouves pas récession. que c'est déjà si pire que ça, toi, là? Qu'est-ce que ça te prend de plus pour votre pire? Ben, à un moment donné, il y a des gens qui parlent qu'on va se ramasser en guerre civile, là, la guerre pour la fin, en Europe, là, dans un premier temps, là, dans le sens que les gens, si on a de la difficulté à chauffer, à s'alimenter, etc., ben, ça va créer des tensions sociales de plus en plus grandes. Ça va peut-être créer des nouveaux réseaux. Aussi. Ça ira pas mieux dans la prochaine année, mais ça sera pas ce que vous pensez. Ça sera jamais comme vous le pensez. Puis si vous nourrissez l'idée d'une guerre mondiale, peut-être que vous en vivrez une dans votre tête, la guerre mondiale. Il n'y aura pas une guerre mondiale comme on le pense, David. C'est fini les bombes, ces affaires-là, c'est fini. Ils veulent vous affamer. Créez-vous des réseaux alimentaires. Créez, c'est plein de terre. Les gens vont s'unir, vont s'unifier. C'est déjà en marche, les réseaux. Il y a plein de réseaux, des gens qui ont des multicultures. Comme là, je regardais l'affaire comment ils appellent ça? Des Garden Tower. Oui. Tu peux faire pousser tes propres légumes là-dedans, sauf les racines, les légumes racines. T'es rentabilisé en un an. Les gens vont trouver d'autres solutions. Ça, il va y avoir d'autres solutions qui vont apparaître. Mais lesquelles, je ne sais pas, je vois pas, ils ne vont pas m'informer d'avance, mais le nouveau monde est en construction. Puis l'ancien va tout simplement prendre son trou, un jour ou l'autre. Mais il va y avoir beaucoup de morts. Puis il y en a déjà beaucoup. C'est ça quand ils disent qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a déjà. Tu sais, quand tu es rendu qu'on calcule qu'il y a quasiment 25 millions de gens décédés suite aux injections de COVID puis tout ça, là. Trouvez pas que c'est beaucoup? Calice! Bien, sur près de 8 milliards d'habitants, c'est Ben ça, sûr. il faudrait qu'ils me le confirment, nous, 8 milliards. On voulait parler de l'environnement. Ben, premièrement, la première question que je me demande, c'est on est-tu vraiment 8 milliards ou c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire? Un. Rien que ça. J'y crois plus. Je crois même pas qu'on est 30 millions au Canada. Je ne crois plus rien de ces gens-là. Ils nous mentent, ils nous manipulent, puis ils font ce qu'ils veulent. Ça fait 30 ans qu'ils nous annoncent la fin de la planète avec une catastrophe, tabarnak. Vous croyez encore à ça? Oui, Ben, il y a du plastique dans les mers. Mais oui, on peut dépolluer le plastique des mers. Mais c'est drôle que Obama s'achète une maison sur le bord du Maine il y a 2 ans. Même pas, il y a un an et demi. Il vient de s'acheter une maison à coût de millions là, sur le bord de la mer, Ben les oui, puis lui, amis. il parlait de la menace des changements climatiques, puis il faisait des discours pour lutter contre les changements climatiques, puis il disait, on est sur le bord, là, de Après les changements catastrophes. climatiques, mais la réalité, juste les GES. Ah, moi, je suis plus capable d'entendre parler d'une grosse petite liste de GES de tabarnak. Là, l'autre fois, à la TV, il sortait des affaires de compte genre 12% des véhicules au Québec responsables du GES. Hey, le con qui a écrit ça. Sur toute la crise de planète, incluant les avions, les autos, de toute la planète, ça représente même pas 0,4% des GES, c'ti. Puis nous, au Québec, pourquoi pas faire 12%? Ah ben nous, on est tellement importants au Québec, on est 8 millions sur 8 Mais c'est parce que milliards ça à peu fait près. partie de la Hey! propagande par rapport au gaz à effet de serre pour amener les gens à partir de 2035 à ne plus pouvoir acheter d'auto neuve à essence. Donc on cherche à créer le consentement. Puis pour ça, bien, on fait de l'hypnose de masse là, depuis un Ça. certain nombre de temps pour continuer aux gens que ah, c'est pas beau l'auto à essence, puis il faut plus utiliser ça. Ouais. Mais ils n'ont pas de plan de transition, fait que on va passer au char électrique ou à l'hydrogène, mais entre-temps, crever de faim parce qu'on n'a pas de plan de transition. Ça va être encore Non. pire en Europe. Eux autres, ils ont des problèmes d'alimentation, d'électricité. Fait qu'il faut qu'ils passent à l'électricité, puis ils en Ben là, manquent ils déjà. des Non, mais en Allemagne, ils réouvrent des centrales au charbon. Mais ça, c'est pas polluant pour la planète du tout. Moi, mon bon. Ils sont là à nous parler de plan vert comme des cons, puis ils repartent des chaudrons aussi. Ben oui, on les croit. Si vous êtes encore assez naïfs, il faut les croire. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous prend. Moi, je m'en occupe plus. Je les écoute plus. Je fais ma vie, je me câlisse d'eux autres. Vous devez décrocher de la TV, des TVA, des Radio-Canada. Décrochez, puis faites votre vie, sa vibration. Occupez-vous de votre cul puis de votre bien-être futur. Puis lâchez le cul, tabarnak. Là, je pense à Bernard dans ce temps-là qui disait « Ah, c'est-tu que le monde aime parler de l'occulte puis s'occupe pas de le cul? » Ouais, c'est ça. Ben, le danger, c'est d'être fasciné, c'est sûr, par l'occulte, là. Mais. Ben, c'est parce que l'occulte, ça t'amène pas à manger, David. Tu sais, dans ce sens-là, l'occulte, là, ça doit être un divertissement dans nos vies. Mais dans la réalité, là, il nous parle de pénurie alimentaire. T'as-tu assez de réserves dans ta maison pour au moins 6 mois? Parce que c'est à peu près ce que ça va prendre. Peut-être un peu moins. Mais fais-en des réserves. Là, il n'y a pas d'argent. Mais lâche l'occulte, t'as-tu, il va travailler, tabarnak. Trouve-toi là l'argent. C'est ça, vivre sa forme. On est dans la forme, on vit ici, là. On est sur la planète Terre, puis il faut s'incarner jusque dans les racines. Hein? Fait que flotter, c'est ça que je parlais, là, le flottage, le monde flotte, qui attendent quasiment que ça tombe, puis ben là, il n'y a plus rien à faire, la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Mais c'est pas la fin du monde. Fait qu'on peut vivre. Moi, en tout cas, je vis très bien, je sais pas. Il y a des gens qui souffrent beaucoup, je le vois là, dans le visage des gens, et les gens malades, d'ailleurs, dans mon studio, il y en a plein. Toutes des gens vaccinés, mais ils sont tous sur le dos, aussi. Ça donne comme ça doit être le hasard. Ben oui, un drôle de hasard, toi. Là, On on est est deux rendu dans avec un des monde. situations de la mort subite de l'adulte. C'est nouveau, ça apparaît Bon, c'est depuis ça, 2 ans. votre question. Mais sais-tu, c'était quoi le nombre de morts? Je ne sais pas en France, là, je parle pour le Québec, je suis désolée, mesdames, messieurs de France et des autres pays. Au Québec, la moyenne de morts subites, c'était 500 personnes par année. On est passé à 1 500, personne ne se pose de questions. Mort subite. Puis étrangement, ces morts subites-là se passent entre l'âge de 18 et 60 ans, la classe la plus travaillante et la plus payante. Alors que je suis plus capable. Mais là, c'est ça, c'est parce que on est rendu que les cas de mort subite de l'adulte, ensuite, t'as des jeunes qui font des myocardes, t'as des athlètes que ce soit le football, le basketball qui tombent, qui font des crises cardiaques, des gens à TV aussi. En tout cas, il y a eu toutes sortes de cas, puis les compagnies d'assurance qui observent l'augmentation de la mortalité, puis là, eux autres, ben, ils peuvent pas dire c'est à cause de l'injection. Fait que là, Non, mais t'as-tu vu ce qu'ils ont. Ah non, ça, c'est bon ce sujet. Merci de m'amener là-dessus. Les assurances, en Europe aussi, ils ont sorti des chiffres, les grosses compagnies d'assurance, pour aux États-Unis. Mais ils ont dit des choses, David. Ils n'ont pas dit que c'était à pic-pic, mais ils l'ont clairement dit que c'était pas dû au COVID, par exemple. Ils ont une augmentation de morts, c'est incroyable, de demandes de réclamation. Et ils l'ont précisé, ça n'a rien à voir avec le COVID, les morts. Devinez à quoi c'est rapport. Si c'est pas le COVID, c'est quoi d'après vous? Pic-pic. Mais non, ça doit être les changements Merci climatiques, Mona. de m'entendre. Mona, ça doit être les changements climatiques. Ah, sûrement. Il y a une vague de travers dans le monde. En tout cas. Je suis pas mal sûr que les gens qui s'occupent du narratif officiel vont dire, ah. Oui, ça doit être à cause des changements climatiques, la pollution atmosphérique qui fait en sorte que les jeunes se mettent à mourir, la mort subite de l'adulte. Je suis sûr qu'ils vont récupérer ça pour leur agenda. Non, sûrement. Ça me fait penser à la fabrique, le projet ARP, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, allez voir projet HARP. Ce n'est pas juste des chemtrails là, qui se passent présentement. Puis en Europe, je rigolais parce qu'il y avait un gars en Suisse qui montrait un ciel bleu le matin. Là. Puis 2 heures plus tard, il avait shooté. Là. Écoute, le ciel était quadrillé dans toutes les directions. Puis il disait, sont où les lignes de jet là-dedans? Parce que c'est des drones maintenant. Qui pitchent plein de cochonneries. Plus tard, c'est les conducteurs de nuages. Donc, ils peuve provoquer ce qu'ils veulent comme température, comme un peu l'ouragan qui débarque à Miami il n'y a pas longtemps. C'est étrange, pareil. Cette année, c'est très calme les ouragans, mais ils sont tous dirigés vers Miami, la Floride. Oh, étrange. Ils sont capables de contrôler ce genre de choses-là sur la planète présentement. Ben oui, ben ils font la Pensez-vous pluie puis le beau penser? temps. C'est le cas de le dire. Ben oui, ben on l'a vu avec la Chine, qui en ont parlé officiellement là, il y a quelques semaines, là, où, à cause qu'ils étaient confrontés à des feux importants, ben ils ont dit on va utiliser cette technologie-là. C'est vrai, effectivement. Puis c'est pour les Jeux olympiques, je pense qu'il avait aussi déclaré, il avait maîtrisé pour avoir la température nécessaire. Fait que, tu sais que tout ce qu'ils disent, parce que ce qu'on veut surtout dire, moi ce que je veux surtout dire, c'est méfiez-vous de sur tout ce qu'ils disent que la planète est en feu et à sang à cause de la pollution, là. C'est pas vrai. Ils nous comptent n'importe quoi, puis ils fument n'importe quoi, puis ils font n'importe quoi. Donc, moi, je ne les crois plus, je ne les écoute plus, puis je fais ma vie. C'est ça, je pense que le message, peut-être si j'ai un message à passer aux gens qui aiment écouter nos affaires, c'est que je vous dirais, occupez-vous de vous, puis des gens que vous aimez, puis investissez là-dedans. La solution est dans le réseau, dans le réseautage. Ça, c'est clair. Si j'ai trouvé le terrain, j'ai trouvé un terrain présentement qui est vendu 250 000, je l'ai eu à 130 000. Pourquoi? Parce que j'ai un réseau de gens qui connaissent des gens qui connaissent un tel. Puis, en bout de ligne, ça m'a pris 2 ans à arriver à ça. Mais ça m'a coûté quand même 100 000 de moins cher. Réseau. Mais moi, je suis en affaires depuis 30 ans. On sait qu'on dépend de nos contacts puis de ressources. Donc, c'est quelque chose qui est assez facile pour moi, mais investissez dans vos réseaux. T'as peine 3 personnes un réseau, là. T'es pas obligé d'être 300. C'est pas nécessaire. Et s'impliquer. Moi, je pense aussi s'impliquer dans nos vies dans la mesure où tu le vibres. Moi, je le vibre de faire des choses. Je le fais. S'intéresser à nos vies. Oui. Hey, j'ai une question pour toi, moi. Oui. Excusez-moi, messieurs, dames, mais peut-être qu'ils sont intéressés. Tu vas être papa bientôt, non? Est-ce qu'on peut parler de ça ou c'est. Ben oui, on peut en parler. Ben, je voulais savoir comment tu vis ça dans un temps aussi particulier. Ben en fait, quand on a mis en branle, moi puis ma compagne, le projet d'avoir des enfants, ben on c'était en fait c'était l'année passée là, ben au début de l'année présente là, 2022. Puis, le contexte était tendu comme aujourd'hui, en pleine crise sanitaire. Et puis, on avait l'impression d'aller de l'avant. Puis, on était de l'avant, puis est tombé enceinte quand même assez rapidement. Voilà. Puis, moi, c'est sûr que je suis un mouvement de vibration derrière ça. Parce que, en réalité, ça faisait plusieurs années que je faisais preuve de procrastination. Je remettais plus tard le projet d'avoir des enfants. J'avais peur, il y avait ci dans le monde, il y avait ci. Puis finalement, en plein cœur de la crise, parce que l'année passée, avec la ségrégation sanitaire, on ne pouvait même pas aller au restaurant, etc. J'ai été pareil de l'avant. Et c'est sûr que je suis confiant par rapport au fait que, dans le fond, bon, dans quelques jours, si tout va bien, là, je vais devenir père. Je suis confiant par rapport au processus. C'est dans quelques jours. OK. Oui, bien, en théorie, en début décembre, si tout va bien. Un petit sagittaire ou une petite sagittaire. Ouais, bien, c'est ça. Je me suis dit probablement qu'au niveau du déterminisme astrologique, elle va aimer, sans doute, comme de plusieurs sagittaires, le voyage ou la philosophie. Donc, je risque de bien m'entendre avec elle parce que j'aime beaucoup la philosophie. Puis c'est des questions plus interculturelles ou qui touchent à différents peuples aussi, là. Oui, les Sagittaires sont assez. C'est très ouvert, ils ont beaucoup de possibilités. C'est une fille, alors. Oui, ça va être une fille. Ça a été validé en fait par rapport à plusieurs échographies qui ont eu cours. Félicitations, en tout cas, pour Ben merci toi. beaucoup, Mona. Je pense que la meilleure. Non, parce que ça ne te dérange pas, c'est parce que tu m'avais déjà annoncé que tu allais être papa il y a quelques mois, mais. Ce que j'ai trouvé, je te l'avais écrit, j'ai dit, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire pour les 3 prochaines années. Parce que je crois que présentement, socialement, il y a des choses qui vont se développer. Mais c'est pour ça que je dis, il faut s'occuper de soi, rester dans nos culottes, puis essayer de se protéger du mieux des impacts de la guerre que ces gens-là nous font. Parce que c'est une guerre contre les peuples, il ne faut jamais oublier que c'est contre nous. Hein. Mais on peut se Exactement. protéger de ça. C'est ça, je dis, en s'occupant de soi, on est plus heureux, en étant plus heureux, le contact est plus facile, tu sais. Ben, si on est heureux, on est dans un état plus d'ouverture, de disponibilité, tandis que la peur, ça contracte, ça rend stressé, C'est ça rend ça. tendu. Le point que je te dirais, c'est la façon que je vois les choses, puis on verra si les événements donneront raison ou pas. C'est que la mutation sociale est en train avec les tensions qu'on connaît, va sans doute prendre un tournant, j'ai l'impression, les prochains mois, les prochaines années, puis peut-être que ma fille va grandir dans la nouvelle ère ou la nouvelle humanité, là. En tout cas, moi, je vois un avenir très intéressant, Mathieu. Je t'appelle Mathieu ce soir, David. Vraiment. J'ai toujours vu que c'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, puis le début d'un autre, mais solide, là. Je trouve que l'avenir est plutôt intéressant sur 15 ans, 10-15 ans, là. Au contraire, je pense que les enfants vont avoir bien du fun. Je peux-tu bouger, David, Oui, en fait? mais de toute façon, aujourd'hui, l'enregistrement qu'on fait est en audio. Donc, Oui. c'est bien correct. Et puis, c'est sûr que, tu sais, comme je vais être père bientôt, mais tu sais, j'ai toujours des curiosités à savoir, bon, comment que ça va aller avec ma fille. Puis, là, c'est sûr, je suis dans les préparatifs, là, tu sais, avoir le berceau, la Allô? poussette, puis, tu sais, tous les accessoires, là. Donc, Est-ce que vous trouvez quand même des choses pas trop chères? Excusez, oui. mesdames, messieurs, on est parti. Non, mais c'est Oui? bien correct. Oui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui grâce à Internet, notamment sur Facebook. Comme là, on avait acheté un lot de vêtements usagés, là. Donc, il y a des particuliers qui vendent, il y a des opportunités qu'on n'avait pas autrefois parce qu'avant, bon, on pouvait aller chercher des choses accessibles là, dans des friperies. Mais là, il y a des particuliers qui vendent aussi du matériel usagé là, à coût abordable. Donc, il y a des belles opportunités, là. Non, mais j'ai hâte de voir cette petite poulette. J'espère que j'aurai le plaisir de voir cet enfant. J'adore les enfants. Je te disais, je ne sais pas si j'ai dit ça à toi, mais si un jour j'ai un changement de vie, j'aimerais m'occuper d'enfants. J'ai en parlé avec mon fils que j'ai réalisé ça, mon plus jeune, parce qu'il veut des enfants. J'ai dit, en tout cas, si tu veux, moi, je suis la grand-mère qui va garder tes enfants, si tu veux, plutôt que la garderie. J'aimerais ça m'occuper d'enfants, des jeunes enfants, parce que je sais que je suis une personne saine. En plus, je suis capable de lui donner quelque chose d'intéressant avec l'affection et la tendresse. Ça se pourrait que je finisse avec une garderie maison, moi. Pourquoi pas? Surtout qu'il en manque présentement au Québec une pénurie d'éducatrices en service de garde. Oui. Donc, il y a des très belles opportunités en ce sens-là. Mais, tu sais, dans ma situation, en fait, le projet d'avoir des enfants, là, je suis rendu à 41 ans, ma compagne aussi. Il y a aussi le fait on a fait preuve de procrastination. On s'en avait déjà parlé quand j'avais 30 ans. Là, je remettais à plus tard, je remettais à plus tard. Mais à un moment donné, quand tu es rendu début quarantaine, là, c'est le plus tard au niveau de l'horloge biologique, le compteur a pas mal tourné. Il ne te reste pas beaucoup de marge de manœuvre aussi. C'est vrai. Il y avait ça, mais en même temps, il y avait la vibration. C'est comme je voulais pas passer à côté aussi d'avoir des enfants. Parce que je pense que c'est une très belle expérience au niveau humain là, qui peut être vécue, là, ouais. Ah oui. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré ça. Il y a des gens qui ont peut-être des enfants plus difficiles aussi, là. Il y a des enfants qui viennent avec un plan de vie pas mal plus rock'n'roll que d'autres, là, quand même une réalité. Mais Sagittaire, d'après moi, vous allez avoir du fun. Mon fils, le plus jeune, est Sagittaire, puis ça l'aime beaucoup de choses. En fait, 24 heures d'une journée, c'est pas suffisant, lui. Il y a toujours des projets. C'est des gens autonomes aussi qui aiment beaucoup l'autonomie. Mon fils, le plus jeune, là, il voulait avoir son propre appartement. Il vient de se trouver son auto. Il part en affaires. C'est comme Mais c'est un folie. signe de feu aussi. Donc, des gens qui vont exercer une certaine forme de leadership. Donc, des gens qui peuvent être des travailleurs autonomes là, par rapport au signe. Oui, t'es avec du cœur, comme le ta femme est quel signe, toi? Bien, ma compagne est du signe du Verseau comme moi. Deux Verseaux, en plus. Ouais, ben c'est sûr que ça a les avantages, des inconvénients, dans le sens qu'on peut être tous les deux à parler de trucs en lien avec la futurologie ou flyer bien haut, là. Ben oui. Votre fille va vous ramener sa terrain des vaches, tu vas voir. Le Sagittaire, là, ça flaque pas tant que ça, chérie, hein? C'est assez concret, hein? Mais ça l'aime, l'histoire, tout ça, là. Mais tu vas voir, ça nous ramène sur. Ouais, ça va. Ben, c'est ça. On va voir si ça va nous ramener sur du concret. Mais en tout cas, je pourrais, c'est sûr, te tenir au courant. Puis probablement, je vais faire une capsule audio là, une fois que l'enfant sera né là, pour parler un petit peu là, de l'accouchement. Aujourd'hui, ça s'est développé de manière particulière dans le sens que je regardais, j'ai eu des formations de la maison de la famille. Puis, tu sais, ils font la promotion de l'allaitement, puis le pot à pot aussi pour la mère comme le père. Tu sais, c'est des choses que, probablement qu'il y a 30 ou 40 ans, on n'entendait pas parler de ça, là, tu sais, de l'importance que l'enfant ait un contact corporel régulier avec le père, faire du portage d'enfant, un peu comme les gens vont faire, par exemple, en Afrique, ou en Amérique du Nord, ou même en Europe. De ce que je connaissais, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement une promotion comme ça dans le passé, là. De garder l'enfant près de soi, de contact physique, tu veux dire, du Oui, petit oui, bébé? oui. Ben oui, c'est fondamental. C'est ça, je Non, trouve ça. on appelait ça il y a 40 ans, oublie ça. Ben, c'est Fait ça. que, dans le fond du lit, là, ben oui, par là. C'est ça, fait que, mais tu sais, c'est quand même bien parce que ça s'appuie sur des recherches scientifiques qui disaient que, dans le fond, le contact peau à peau favorise la production de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, l'hormone qui est associée à l'amour, du lien relationnel. Sécurité chez le petit bébé, là, c'est la sécurité. Le Aussi. petit bébé, là, ça ne peut pas exprimer la sécurité, mais le contact physique, la chaleur, ça le rassure, ça le sécurise, ça bâtit sa confiance aussi. Ça a un lien avec la confiance plus tard, ça. Oui. Intéressant. Hein? Oui, les changements il y a des directions qu'on a changées que je trouve intéressantes dans les 40 dernières années pour ce qui est du contact avec les enfants, les petits bébés, mais regarde ce qu'on fait. Après, tu sais, on vous dit distancez-vous de vos enfants, ne les touchez plus depuis 2 ans. Puis c'est l'inverse de ce que tu entends, là. On fait Exactement, c'est deux discours un masque. totalement contradictoires. C'est ça. Les enfants qui vont à l'école avec quelqu'un qui parle avec un masque, ils ne voient pas les lèvres. Ils ont tous des retards d'apprentissage. Ceux-là qui sont rentrés dans le COVID en première, deuxième année avec des masqués, là, ils ont tous un problème d'apprentissage parce qu'ils ne voient pas les lèvres bouger. Sans parler du contact inexistant. Ça va à l'encontre même de ce qu'un petit enfant. Tu ferais quoi, toi, présentement, si tu avais un enfant de 8 ans, 9 ans, à l'école? Ben là, c'est pas pire parce que là, présentement, ils sont pas obligés de porter le masque, les mesures sanitaires ont tombé, là. Pas ça que j'ai vu dans la commission scolaire ici, pas loin de chez nous. Oh! Oh, il y a des petits. Ça, c'est ce qu'ils disent à TV. Mais en parallèle, le ministère de la Santé, oui, il y a dans les commissions scolaires des consignes qu'il a envoyées aux écoles, puis que là, il y en a un qui a sorti ça, un monsieur, là, oui, c'est pas Jojo. Aussitôt qu'il y a un enfant à tchoum, mais s'il faut le masquer, vous le crissez dehors de l'école. Là, t'as plus le droit d'attchoumer, de tousser, t'as plus rien. On ne porte pas de masque, mais si tu bouges pas, puis tu tousses pas, puis tu rotes pas, c'est correct. C'est parce que les enfants, ça pogne à peu près tout, puis ça tousse tout le temps, puis ça rote, puis ça pète, puis ça morfe. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ils vont recoller ces masques dans la face des enfants. Ben, on va voir, parce que moi, j'étais sûr qu'après les élections, quelques jours à peine après, au mois d'octobre, ils allaient faire ça. Ils ne l'ont pas fait encore. Non, ils vont le faire au mois de décembre, à Noël. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Parce que c'est sûr que le nombre de cas risque de continuer à augmenter de gens qui sont malades. Présentement, on a des records dans les urgences d'hôpitaux d'enfants malades. Moi, j'ai l'impression, un peu comme elle Il n'y avait disait. rien avant le COVID en passant, hein? D'enfants malades aujourd'hui, là, il y a 2 ans, avant qu'on les vaxe, là, ils n'étaient pas malades du COVID en passant. Excusez-moi. Ils ont menti tout le long. Puis là, présentement, tous les enfants vaccinés sont allés, pas tous, mais beaucoup sont malades. Étrange, pareil. Mais il y a quand même, comme disait Patrick Provost, le célèbre enseignant et en même temps docteur de l'Université Laval, et qui avait mentionné, je l'avais écouté récemment dans l'entrevue au studio Théo Vox sur Facebook, que lui expliquait le fait que les urgences sont pleines par rapport au fait qu'il y a comme un rattrapage qui s'opère par rapport au COVID, la grippe saisonnière, parce qu'il y a eu 2 ans avec des mesures très strictes d'évitement. Puis là, c'est un petit peu le retour du balancier, c'est-à-dire qu'au lieu que les gens soient contaminés à mesure pendant 2 ans, mais là, ils sont comme contaminés en masse. Ce qui fait la flambée de cas qu'on connaîtrait là, actuellement au Québec. Pour savoir vraiment ce qui se passe pour des cas, je respecte l'opinion de monsieur. C'est un docteur, hein, Oui, docteur. mais c'est un enseignant. En tout cas, il est professeur de l'Université Laval. Puis logiquement, quelqu'un qui enseigne habituellement, là, il a un doctorat. Puis lui, il faisait de la recherche fondamentale là, au niveau des vaccins ARN. Puis il était opposé à ça par rapport aux jeunes enfants. Il a déclaré ça publiquement. Il a été suspendu pendant 2 mois par l'Université Laval. Oui, j'ai suivi son cas aussitôt qu'il y a un spécialiste qui sort qui n'est pas payé par quelqu'un de ces salopards, il est ostracisé instantanément. Ben c'est ça, ils l'ont muselé parce que ça a été une opposition crédible. Tandis que les autres, ils en sortent la lettre. Ah, ben toi, t'es pas professeur, t'as pas de doctorat, t'as pas. Tandis que lui, ça faisait au-dessus de 15 ans qu'il faisait de la recherche sur les vaccins ARN à l'Université Laval. Donc, c'était une opposition crédible qu'ils ont voulu mettre à terre. Puis là, il y a des démarches. Puis là, il cherche à faire valoir son point sur l'importance de la liberté d'expression, surtout en milieu universitaire qui est supposé être le lieu là, qui véhicule les idées librement. Mais. On va voir qu'est-ce que ça va donner avec lui. Ben, il faudrait commencer par regarder qui finance l'Université Laval, aller voir les donateurs. Moi, je l'ai fait l'exercice en passant. Aller voir les donateurs de l'Université Laval, les donateurs de l'Université de Sherbrooke, les spécialistes de l'Université de Sherbrooke qu'on retrouve à TVA et Radio Tralala. L'Université de Sherbrooke, allez voir, je ne vous nommerai pas les gens. Puis l'Université de Montréal aussi, parce que mon fils, je me suis intéressée, qui est kinésiologue. Et ce printemps, je me suis tapé sa remise de diplôme avec une gang d'idiots. J'étais en tabarnak. L'Université de Montréal, au mois de juin, les 21 profs en avant étaient tous masqués comme des idiots, sauf un. Ah, Hein? lequel? L'Université de Montréal, les sciences de la santé. Allez voir les donateurs. Prenez le temps de taper sur votre ordinateur, Université de Montréal, donateur. Allez voir qui est là-dedans. Hein? Et quand nos universités, on avait dit il y a 30 ans, on n'a pas d'argent dans l'université, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme moyen? On va aller en trouver de l'argent, on va aller chercher dans le privé. Ben oui, toi. Fait que les Desmarais, les riches de notre province, les pharmaceutiques, ah, ils sont partout dans les universités. Puis on appelle ça de la science, mon cul. Mon cul. Puis de la science unanime, ça n'existe pas. Rentrez-vous ça dans le cul. À partir du moment où vous dites que la science est d'accord pour vous dire que, prenez vos jambes à votre cou puis crissez votre camp, ils vous comptent des conneries. Le milieu scientifique, ça, jamais ils sont d'accord. C'est des débats continuels d'opinion, puis d'expérience, puis de preuves. Puis à un moment donné, il arrive un consensus. Mais ça prend des années, pas 2 mois. Puis en plus, là, questionnez-vous sur les vaccins qui sont toujours expérimentaux, qu'on injecte aux enfants, puis à nos bébés. Aux femmes enceintes, quand ça prend 15 ans normalement sur un vaccin ordinaire, imaginez de l'ARN messager. Hey, ça touche notre biologie cellulaire, là. Fait que moi, si j'avais un enfant aujourd'hui, c'est sûr qu'il ne passerait pas au vaccin. Ça, c'est clair. Là, ils veulent implanter les 9 vaccins de la France, là, au Québec, là. les 9 vaccins obligatoires, là. Ça sent rien, ça aussi. Ouais, c'est sûr qu'ils suivent l'agenda de l'industrie pharmaceutique, puis ils subissent des pressions. C'est sûr que, comme tu disais, ben, s'ils sont financés par eux, ben, ils ne peuvent pas être objectifs. Donc, c'est sûr qu'ils ne vont pas mordre la main de leur maître, comme on dit. Bien, ça devient difficile, là, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a des décisions qui sont prises présentement qui font beaucoup de morts en bout de ligne. Il faudrait qu'on se réveille. Moi, je pense que chaque humain va devoir s'impliquer quelque part dans ses. Moi, j'ai pas de jeunes enfants, mais si j'avais des jeunes enfants, je serais rentré dans l'école depuis longtemps, qu'ils sauraient comment je m'appelle. Ne serait pas question qu'ils touchent à mon enfant sur un seul vaccin, je les poursuivrais, puis ils seraient très informés. Puis si je l'oublie, je l'oblige, le mouchoir et tout, je les ramènerai à la maison, l'école à la maison, manger de la mort. Il faut agir dans ce qu'on peut, c'est ça que je veux dire, dans ce qu'on peut, là, pas dans ce qu'on peut pas. Mais c'est ça l'implication que je parlais de tantôt. Il faut s'impliquer individuellement dans ce qu'on peut. T'sais, j'ai une amie, Marie-Chantal, que je trouve super le fun. Elle avait un jeune enfant difficile. Aujourd'hui, son jeune enfant est rendu grand. Mais Chris, ça fait 30 ans qu'elle me... J'exagère, son fils a 20 que 20 ans qu'elle me parle des dangers de la vaccination, puis qu'elle s'informe là-dessus, puis l'autisme, puis... Ça, c'est intelligent. Puis elle n'a jamais accepté ce qu'ils ont essayé de faire prendre pour son fils. Puis elle s'est battue. Puis aujourd'hui, son fils s'en sort grâce à ça. Parce qu'il avait écouté que les médecins à l'époque, ils seraient gelés bien raides sur je ne sais pas quoi, là. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait aux enfants qui sont, soit ils sont hyperactifs, soit ils sont dépressifs, nos enfants sur des antidépresseurs, leur Ritalin. Hey, à un moment donné, là, calice, réveillons-nous. Ça n'a pas de bon sens. Oui, ben c'est souvent la solution pharmaceutique qui est proposée, alors qu'il pourrait y avoir de la modification comportementale, la psychothérapie, mais non, c'est souvent on drogue le monde. Ben, c'est ça. On n'élimine pas le problème, on le patch. On fait ça socialement souvent, mais quand c'est nos enfants, il faut se questionner. À un moment donné, c'est ça. L'expérience humaine, il faut vivre avec, mais à un moment donné, il faut se poser des questions. C'est pas vrai qu'on peut passer notre vie à la version Guylaine Tremblay, tu sais, au Québec. Ah, moi, je suis bien quand elle ne me pose pas de questions. Hein, comme ça, il n'y a rien qu'à créer. Comme je dis des fois, remplacez, vous avez remplacé votre QI par votre code QR, là. On va pas bien. Ouais, je crois que le scénario, il n'a pas aussi dérapé que je pouvais l'anticiper là, il y a quelques mois, parce que moi, je pense. Comment? David, c'est parce qu'il y a eu de la résistance que ça n'a pas dérapé. C'est parce que les résistants que nous sommes que ça n'a pas marché, le crise de plan de con. C'est pas parce qu'on est resté assis chez nous à rien faire. C'est qu'individuellement, les gens sur la planète se sont mis à dire non à certaines choses. Il y a une norme, il y a 30% là, d'à peu près dans toute la planète, partout, dans tous les pays qui résistent. Et c'est grâce à cette résistance, chacun résiste à sa façon, là. Mais il y a une résistance. Tantôt, on parlait des vaccins. Ils marchent moins, le vaccin. C'est la C'est ça, cinquième mais dose. moi, ce que je pensais, c'est qu'on tombait dans l'enfermement là, à partir de l'année passée, là, c'est-à-dire que là, tu ne pouvais plus aller au restaurant si tu n'avais pas le code QR lié au passeport vaccinal, tu ne pouvais plus aller au cinéma, etc. Moi, je voyais ça comme étant, fallait que tu le renouvelles, sans ça, tu n'as plus le droit au lieu public, puis finalement, ça ne s'est pas actualisé, là. L'apartheid sanitaire total est renouvelable à chaque dose, là, aux 3-4 mois, là. Grâce à la résistance, c'est ça que je veux dire. Leur plan, c'était de nous enfermer pendant des années. Ce qui Ouais. devient la solution, puisqu'on puisse sortir. Ah! Ils créent le problème, puis ils amènent la solution. Mais non, ça a dérapé. Ça a dérapé parce qu'il y a du monde qui se sont mis à s'informer, puis à se dire, non, là, ça va faire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis il y a des résistances. Moi, j'en suis une, t'en es un, il y a plein de gens qui résistent. Ouais. Je ne suis même pas testée de PCR. Ils m'ont jamais crissé une petite crise dans le nez. Oubliez ça aussi. Moi, j'étais une rebelle finie. Oui, fait qu'ils peuvent rien faire avec moi, tu Fait tires. qu'ils ne te font pas adhérer au passeport climatique après le passeport vaccinal. Bon. Puis voyager, le monde, on pourrait pas faire, par exemple, se passer de quelque chose. Je m'en crisse de pas voyager, moi. Même si j'ai envie, j'aurais pu. Tu sais, j'ai plein d'invitations au Brésil. Je t'ai invité au Brésil, je t'ai invité au Sénégal, je t'ai invité en France, je peux aller en Italie, je peux aller au Portugal. Non. Ça ne m'intéresse pas de voyager dans ces conditions-là. Ça ne m'intéresse pas de diviser le peuple en deux catégories. Non. Ça, c'est une position que j'ai prise très ferme, moi. Puis je m'en tiens à ça. Puis c'est terminé. S'ils réimposent le masque, puis les ci, puis les ça, pour me retrouver en prison, je m'en calisse, je vous le dis. J'embarque plus là-dedans. Je ne porterai même plus le masque. Over my dead body. Même que des fois, je m'amuse ces temps-ci. Quand je rencontre quelqu'un qui a un masque d'un magasin, je fais exprès pour sursauter puis crier. Je suis de même. Mais là, madame, elle bloque. Elle dit, ben voyons, mais j'ai dit, êtes-vous malade? Non. Ben pourquoi vous portez un masque? Vous êtes dangereuse, là. Moi, je les invite. Je leur retourne le niaiserie à eux autres, au monde. Mais c'est eux qui me font peur. Tu t'as peur. Tu t'as peur. T'es effrayé. T'es dangereux. Par contre, des fois, il y a des cas, si je me permets de faire l'avocat du diable, parce que j'ai rencontré quelqu'un, il était avec sa conjointe au restaurant, puis bon, il m'a expliqué qu'il portait le double masque parce qu'il était immunosupprimé, puis il avait vraiment peur, là. Ben oui, d'attraper la COVID. Oui, je sais, c'est le discours de TVA. Ben oui. Il serait peut-être bon d'aller voir à quelle grosseur que ça a, un virus, là. Puis voir la grosseur des mailles de cette crise de filet de marde d'en face. Mais comme je te l'avais déjà dit, les mailles visent à retenir essentiellement la salive, les particules de salive qui sont plus grosses que celles du virus et qui peuvent en transporter que le virus en tant que tel. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu comme étude, c'est que le virus, c'est pas un aérien. Il se transporte pas par l'aérien. C'est Ben, pas. moi, ce que j'avais compris, c'était ça, c'est que c'est par, dans le fond, voie aérienne et non pas le toucher comme moyen de transmission essentiel. En tout cas, c'est difficile à savoir parce qu'il y a tellement d'un bord et de l'autre, c'est très polarisé, En tout cas, là, mais. il y avait, voyons, Masque, Stéphane on porte. Guay qui disait que par aérosol, c'était le moyen de ce que je comprenais, lui, microbiologique, microbiologiste, pardon, qui était le moyen essentiel de transmission. Ben moi, j'ai vu un microbiologiste se faire la démonstration que les masques ne tiennent à rien parce que le filet est trop gros par Non, rapport ça, à je la suis d'accord hauteur avec toi par rapport à l'auteur du virus. C'est clair que le du filet. virus. Le masque qui nous protégerait, c'est un gars de l'armée qui nous l'a montré. Il a montré toutes sortes de masques, là, puis il dit que même, il a montré avec des masques différents. J'ai dit, oubliez ça ne vous protège pas du virus. C'est pas réel, ça. C'est pas vrai que le masque nous protège. Non, non, ben, c'est une illusion. Ça c'est, ben, il ne protège pas à 100%. Tu sais, c'est un moyen qui est peu fiable. Tu sais, à un moment donné, il y avait. Malade, reste chez vous, c'est la meilleure chose à faire. Ou bien, tu sais, tu travailles à la maison, tu sais. Avoir la grippe, tu ne veux pas la transmettre. De toute façon, la grippe, à moins que ça ait bien changé là, dans toutes les données, parce que maintenant, la science est virée bout pour bout. Normalement, un virus de grippe, quand on le porte, puis qui est transmissible, c'est qu'on n'a pas de symptômes. C'est pour ça qu'il se transmet facilement. Parce que quand tu as les symptômes d'une grippe, tu n'es plus contaminant. Il faut t'en. Non, dans les premiers jours, tu peux l'être parce que tu es. Moi, je recherche, là, parce que c'est peut-être des vieilles données, mais moi, c'était ça que j'avais comme info il y a peut-être 20 ans. Là, mais. Il y a 10 jours d'incubation en moyenne. Une grippe, là, je ne parle pas d'un virus, d'un rhume. Je parle d'une grippe comme la COVID, c'est une grippe. C'est un SRAS, une grippe solide. Mais ça, les données il y a 20 ans, mais aujourd'hui, peut-être ça a changé. Mais ça a changé, je ne suis pas sûre que ça change pour le mieux. C'est ça la difficulté que j'ai. C'est que, tu sais, ça fait 75 ans qu'on nous dit en santé de ne pas vacciner le monde pendant une épidémie, une pandémie. C'est la dernière chose à faire de vacciner tout le monde. C'est la première affaire qu'ils ont faite quand ils ont appris le COVID. Tu sais, c'est quoi la science aujourd'hui? C'est bien ce qu'ils veulent qu'on sache, hein? Non, mais ça, je suis d'accord avec toi que la science est extrêmement élastique depuis environ 2 ans, là, où c'est du n'importe quoi, à mon avis, là. Tu te regardes Horacio Rudeau à presque un mois d'intervalle. Non, portez pas le masque. Puis là, finalement, il faut que vous portiez le masque. Ouais, je pense que la firme McKinsey, il a fait un petit briefing après. Parce que la première réponse est exacte. La vérité, il l'a dit. Mais un mois après, il y a quelqu'un qui a parlé dans le casque, ils l'ont menacé, je ne sais pas. Mais il a dit d'autres choses après. Mais sur le coup, il a dit la bonne chose. Parce que c'est ça, la réalité. Puis il disait, la seule meilleure façon de vous protéger, lavez vos mains, nettoyez-vous les mains. Puis souvent, tu sais. Ça, c'est une des choses que, oui, je maintiens que c'est intéressant. Mais lâche-moi avec les masques, les mesures sanitaires, puis le carnet sanitaire, puis l'habit. T'as vu le Arrive-Can au Canada qui a coûté 54 millions aux citoyens canadiens qui finalement ne servent à rien parce qu'ils sont obligés de démanteler ça. C'est anticonstitutionnel, ça ne peut pas tenir la route. Ils vont se faire poursuivre. D'ailleurs, il y a déjà des poursuites au Canada qui sont en marche, là. Mais. Puis ils font bien de poursuivre. Puis moi, je suis content d'apprendre récemment qu'il y avait des membres de la famille de résidence de personnes âgées au Québec dont les gens sont morts dans des conditions abjectes, là, qui poursuivent à Exact. hauteur de 15 millions, là. Ils font Oui. bien de faire un recours collectif. Des gens qui meurent dans leurs excréments, là, tu sais, des personnes âgées, vulnérables, laissées à elles-mêmes, ça n'a pas de bon sens. Aucun sens. Puis sur 10 000 morts officielles de cette maudite période-là, là, il y en a 5 000 qui sont morts dans les CHSLD, fait que, tu sais, tabarnane. On veut surtout pas de faire une enquête là-dessus, hein. Ah ouais, puis quand tu as vu les membres de l'Assemblée nationale, je sais pas si tu as vu la vidéo passer sur les réseaux sociaux qui applaudissaient parce qu'il n'y avait pas d'enquête, puis les partis d'opposition aussi, tout le monde était content, qu'ils se réjouissaient qu'il n'y aurait pas d'enquête indépendante là, par rapport au cafouillage qui s'est passé à la résidence de personnes âgées. Ouais. Ça, c'est ça, le monde qui dorme. Mais quand ça va être dans leur maison, on verra bien, parce que la suite s'en vient dans leur maison. C'est-à-dire? Ben, ça va être des proches là, qui vont mourir. La vaccination, ben là, je ne vais pas parler trop longtemps de ça, mais les effets sur les gens à moyen terme, on ne le connaît pas. Oui, ben, je voyais un spécialiste qui expliquait que quelqu'un peut avoir une micro-crise cardiaque puis il s'en rend pas compte. Donc, ça passe sous le radar. Tu sais, quelqu'un qui a des symptômes forts, bon, myocarde, etc., mais il peut avoir une inflammation mineure ou des trucs mineurs, mais ça se voit pas, mais c'est le cumul de ça au fil du temps que là, ça devient problématique. Même chose Exact. pour les doses de l'injection advenant que ça a une incidence sur l'organisme, dans le sens que si d'une dose à l'autre, comme le soulèvent certaines personnes, ça diminuerait le système immunitaire. Bon, ben, ça se peut que tu te ramasses avec une grande quantité de gens qui sont immunosupprimés dans quelques années. Puis on dira, ah, c'est le retour du VIH-Sida, puis c'est à cause de ça là, que les gens n'ont plus de système immunitaire. C'est une possibilité. J'espère que non, là, mais bon, tout peut arriver. Oui, tout est possible. Mais en tout cas, prenez soin de vous. C'est sûr qu'il faut prendre soin de soi, puis d'arrêter d'écouter tout le monde, puis s'écouter soi, puis faire nos recherches. Il faut vraiment faut pas être paresseux ces jours-ci. Hein. Intellectuellement, là, le Québec, je ne sais pas pour les Français, mais le Québec, on est un peuple un peu paresseux. Intellectuellement, pas trop très travaillant. Et ça peut nous jouer un gros tour ces temps-ci. Un Non, gros tour. exactement. Quoique, en même temps, quand tu regardes ça, il y a tellement de choses en lien avec la pandémie. Des fois, je commence à m'intéresser à un sujet, puis là, oups, c'est d'autres choses où la mesure, elle tombe. Fait que là, ça devient moins intéressant d'investir autant d'énergie intellectuellement pour faire de la recherche. Puis la recherche, c'est complexe, la micro, entre autres, biologie, puis les notions, puis c'est... Mais y aller intuitivement, suivre sa vibration, s'écouter, là, dans le principe vibratoire, j'irais plus de l'avant dans ce sens-là. À fait. C'est ça que je dis. Mais pour pouvoir être connecté à soi, il faut arrêter d'écouter ces espèces de conneries-là à TV, là, TVA ou d'autres masses médias dans le monde. J'écoute plus ça, moi. J'ai coupé avec ça. Puis quand je cherche l'information, je m'assure que les sources sont intéressantes, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. T'sais, les gens qui nous parlent, là, c'est qui? Des gens qui ont des intérêts. T'sais. Si je pense à des journalistes comme Lagacé, Martineau. Et, t'sais, le Québec, là, c'est 75% du média du Québec est entre les mains d'une compagnie qui s'appelle Les Pays de la Québécois, Découverte, ouais. Québécois. 75% de notre journalisme du Québec est détenu par une compagnie. Pensez-vous, on va avoir de l'information d'eux autres là, quand on est là-dedans, là? Fait que, tu sais, d'avoir accepté qu'il y ait un monopole comme ça, c'est ça notre problème social. Ça, on doit s'attaquer à ça. Puis après ça, il y a des médias alternatifs qui cherchent à pousser, comme Dan Pilon avec Radio Réveil. Mais là, finalement, tu te rends compte qu'ils se mettent en opposition avec Choix Radio X. Fait que là, tu as comme une guerre d'ego entre Choix Radio X qui se présentait comme une alternative aux médias de masse La radio X traditionnels. sont financés par le gouvernement du Québec, chérie, en passant. Non, non, Ils sont je sais, mais ce qui radio a... indépendantes. C'est ça. Mais ce qui arrive, c'est que y a pas. Même les gens qui veulent faire des trucs indépendants, il y a des combats entre eux. Tu sais, si tu regardes Radio X, puis là, Dan Pilon, que sa radio réveille. Fait que là, il y a des oppositions entre les deux groupes. Oui, mais c'est parce que moi, j'ai écouté Radio X, là, excusez-nous, parce qu'on est dans un sujet très précis, mais moi, j'ai écouté Radio X avec Yann Sénégal, puis j'ai pas apprécié du tout de me faire traiter de complotiste de marde, OK? Par Yann Sénégal. Je suis désolée, j'en ai ras le cul de les conneries. Il arrête pas de dénoncer qu'il y a de la violence, puis il y a ci, puis il y a ça, puis Yann Sénégal, le premier à nous insulter, je sais pas. Non. Moi, j'ai écouté ça, j'ai dit, ce gars-là, il est over my dead body. Même s'il semble intelligent, mais lui, il dérape lui aussi. Fait que Ah, c'est pas mais ça. Jeff Fillion, il est pas parfait non plus, là, de Radio X, là. Non, non, non, mais moi, c'était Yann Sénécal que je Oh suivais. oui, Puis Yann Jeff, Sénéchal, c'est un oui. animateur, mais Yann, c'est un spécialiste journalistique. Puis là, tout d'un coup, on est devenus des idiots finis parce que là, on est ici, on est. Non, non. Encore une fois, l'insulte avant les faits. Roll-ball! On est ras-le-bol du monde qui n'est pas capable de faire autre chose que nous insulter plutôt que de discuter puis de mettre des faits en avant-plan. Fait que si Yann Sénécal rentre là-dedans, ben, just too bad. Moi, c'est comme quand je jouais Monsieur Duhem avec Lagacé à TV. Je suis pas capable. J'ai envie de vomir. Je suis désolée. C'est pas vrai que le gars qui nous a traités de covidiots puis tout et non, est-ce que l'autre va coucher avec après? Moi, si mettons, on se poignait tous les deux puis je me Ouais. traitais de covidiote, est-ce que je sais pas, puis après ça, on va se frencher? Non, je pense pas. Ben, c'est un peu la même histoire, là. À moins que les deux soient sous le contrôle d'une même instance, un peu comme des lutteurs professionnels avec de l'opposition contrôlée. Sur le ring, tu as l'impression qu'ils sont opposés, mais en réalité, ceux qui tirent les ficelles derrière les lutteurs, c'est eux autres qui vont dire, bon, à soir, c'est lui qui gagne ou à soir, c'est lui le bon ou le méchant. Ouais, exact. Puis c'est eux autres qui redéfinissent les mots aussi. Hein, là, ils ont redéfini le mot complotiste. Le dictionnaire, ça n'existe plus, là. Depuis quand, est-ce que des gens qui dénoncent un complot sont des complotistes? Est-ce que c'est beau? Ben, eux autres, ils vont dire, ah, c'est parce qu'ils fabulent un complot. C'est pas des comploteurs, c'est des complotistes, c'est-à-dire qu'ils voient une théorie. Il y a un is, Ben, c'est quand une... il y a un complot, il y en a un, est-ce que, mais je suis désolée. C'est pas être complotiste que de dénoncer qu'il y a une magouille. Ben, c'est Faites-moi ça, pas mais eux croire autres, ils interprètent que ça que les si NASA tu... sont partis en Ukraine, c'est pas de la magouille. C'est quoi? Comment vous appelez ça? De l'entraide internationale? On fait de l'aide humanitaire présentement. Le Canada fait de l'aide humanitaire pour l'Ukraine. On Mais l'envoie oui, des bien armes, on l'envoie des armes offensives, défensives, des formateurs pour utiliser des armes. Et tout ça, c'est la grandeur d'âme et de cœur des Canadiens. Même chose pour les Français en passant, là. Ben oui. On va sauver les pauvres victimes. Puis là, on écoute des bulletins de nouvelles qui vont nous dire: ah, regardez, là, les Russes, ils ont attaqué une école, regardez, ils ont attaqué un hôpital. Mais on ne nous dira pas qu'il peut y avoir des soldats ukrainiens qui sont embusqués dans ces endroits-là, qui attaquent les Russes, puis les Russes font juste se défendre. Ben, c'est ça, ils disent pas. Ben non, ils ne diront pas qu'il y a des tireurs d'élite un peu partout ukrainiens qui vont se mettre dans des endroits comme ça pour précisément que les Russes ripostent, pour ensuite utiliser ça pour mobiliser les gens internationaux en disant: regardez, là, c'est des monstres. Ils font des crimes contre l'humanité, ils s'en prennent à des écoles, des hôpitaux. Tout est dit, je peux pas ajouter rien. C'est terrible, la manipulation de Ah, l'information. la manipulation médiatique, C'est un peu nébuleux, c'est ça qu'on veut dire. c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, un peu comme on avait, ben, nous autres, c'est-à-dire les États-Unis avaient armé les talibans il y a plusieurs années, puis finalement, ben, les talibans, ils ont mis les Américains dehors de l'Afghanistan, puis les armes qu'on leur avait fournies pour combattre les Russes, ben, elles se sont retournées contre les Américains. Ils ont laissé 85 milliards d'équipements là en sortirant les Américains. En 2021, et la question se posait, dans quel intérêt que tu laisses du matériel militaire dernier cri, là, tu sais, il aurait pu le détruire, là, tu sais, des chars d'assaut, là, tu peux saborder ton matériel, mais ils l'ont pas fait. Mais non. Puis ça s'est revendu dans le marché noir. Ah, toi, bras. Toi, bras. On n'est pas sorti du bois, mais. Enfin, je dirais qu'au moins, on commence à avoir le scénario. C'est parce que moi, ce qu'on parle aujourd'hui, en 2022, Oui. j'en parlais dans les années 80. Peut-être pas de la même façon, mais je parlais de la manipulation des oligarches puis de la richesse. Puis je pensais pour une fois le fini. Aujourd'hui, ben, je trouve qu'il y a une nette amélioration. On était peut-être 2% de comprendre ce qui se passe. Là, on est rendu une 30% sur la planète. Donc, il y a une amélioration pour moi. Il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. C'est pour ça qu'on parle d'éveil des peuples, parce que c'est pas d'hier que c'est commencé tout ça, les amis. Nous, ça fait au moins 200-300 ans qu'on se fait fourrer solide. C'est pas des milliers d'années, mais là, on va se limiter aux 2-3 derniers siècles. Alors, tu sais, là, les gens commencent à réaliser ce qui se passe. Vraiment. Fait que moi, dans un sens, je suis contente parce que je trouve qu'il y a un éveil assez important qui s'est fait très rapidement. Je pensais jamais voir ça de mon vivant, parce que je trouve ça encourageant. Ce qui est difficile, c'est de voir présentement comment on va se sortir de ce qu'ils sont en train de nous passer comme sapin. On va avoir c'est ça que je dis, il va falloir se créer des réseaux, puis entre nous, puis là, qui ça se calme, parce que il faut quand même pas oublier qu'ils n'ont rien à perdre, les mondialistes. Ils ont tout à perdre. Ils peuvent plus reculer. Ils sont dévoilés, là, tu sais. Quand c'est rendu, le plan est dévoilé, les choses se dévoilent. Quand c'est rendu, face de. Là, on parle d'Evelyne, de Monsieur Chouette, de Rothschild, là, je ne sais pas son nom, la fille. Quand on parle des Rothschild, des Rockefeller, qu'on commence à dévoiler, à parler de ces gens-là, je vous ferai remarquer que jusqu'à présent, on n'en parlait pas partout, jusqu'à il n'y a même pas 2-3 ans, on entendait rarement ces noms-là sortir. Bill Gates, oui, mais Bill, c'est un pion, là. Notre vrai problème, c'est qui les propriétaires des banques mondiales? Pas les blancs, les banques locales, nationales. Je parle des banques mondiales. Et c'est pour ça que je dis qu'un jour, le Canada ou le Québec devra dire non à la dette extérieure. Fuck off! La dette extérieure, c'est de l'emprunt au FMI qu'on a fait. C'est comme aller. L'exemple le plus simple, c'est mettons que vous voulez aller acheter une maison, vous allez à la banque pour faire un financement hypothécaire. Bien, les pays peuvent faire le même genre d'emprunt dans les banques mondiales en allant voir le Fonds mondial le FMI. Ils empruntent aux banques mondiales. Puis des fois, même les banques mondiales se dépêchent pour t'en passer, te faire signe. Hey, Québec, on peut te passer de l'argent. Hein? T'es dans le COVID, on va t'aider. Mais là, il faut payer ça après. La dette extérieure, c'est comme une entreprise qui prend une chance avec toi. Si tu investis des milliards dans notre économie puis qu'on n'est plus capable de te payer, ben fuck off, on fait faillite et on ne paye pas notre dette extérieure. C'est comme ça qu'on va lui faire faire faillite, les banques mondiales, en faisant faillite. Les pays acceptent de dire on ne paye plus notre dette extérieure, terminé. On paye notre dette intérieure, manger de la merde. Là, vous avez passé de l'argent, mais malheureusement, on fait faillite. Bye-bye. C'est tout. Il se passe quoi à la banque si tu n'es pas capable de payer? Ils vont saisir les meubles. Oui, mais mettons que tu n'as plus rien. Ben, il encaisse le perte, Chris, puis il mange le chaussette. That's it. Quand même que, tu sais, mettons que tu as une dette de 5 millions puis ta maison vaut 1 million, il reste 4 millions à baquer, ils vont te le prendre où, tu penses? Ils ne peuvent pas te prendre plus que ce que tu as si tu n'as plus rien. Fait qu'ils Non. finissent par encaisser leurs pertes, c'est ça que je veux dire. Mais si les pays font ça dans le monde, ils viennent de crasher, de mettre fin aux banques mondiales, tout simplement. C'est une possibilité. En tout cas, moi, c'est celle-là que je vois qui va arriver. Les pays vont faire faillite, ils vont comprendre. L'Islande l'a envoyé le message il y a quelques années. La Grèce a essayé de le faire, elle va pas être capable, mais l'Islande l'a fait. On verra ce que d'autres pays seront capables de le faire. Le Brésil s'est déjà menacé de le faire, je crois, ou le Chili. On verra. Parce que quand on y pense, la dette extérieure, c'est une compagnie, une banque qui nous passe de l'argent sur une base de dire, ben, on prend le risque de lui passer quelque chose, vu qu'on pense qu'ils peuvent nous rembourser, puis qu'ils ont les ressources pour. Mais si on fait faillite, on ne peut pas rembourser, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, on va venir vous prendre la moitié du terrain. On verra bien. On verra bien. Oui, ou bien ils vont privatiser Hydro-Québec puis se rembourser avec les profits liés avec la société d'État. Le Québec à travers le monde, c'est rien, mais David. C'est pas le Québec tout seul. C'est un mouvement mondial qui va se faire. Des pays qui vont avoir une coalition de pays. Le Québec, c'est pas un pays. Non, non, c'est sûr. Mais en tout cas, on verra bien s'il y aura une opposition. Ben, c'est sûr que je le souhaite, là, qu'à un moment donné, ils arrêtent de nourrir les forces mondialistes qui, tels des vampires, vont siphonner les énergies vitales des différents peuples avec un agenda qui s'organise avec des dettes internationales à garder les gens dans un état de précarité, puis de manipulation, puis de chantage pour des cartes de crédit, et ainsi de suite. Parce que eux autres sont bien bons pour faire des règles, mais il n'y a pas grand-chose qu'ils suivent eux-mêmes. Hein? En passant, là, je pense à... J'étais en train de passer au roi d'Angleterre, l'espèce de niaiseux, qui nous parle du plan vert. Là. Puis lui, il a 52 bâtisses, châteaux, rien qu'en Angleterre. J'ai hâte de voir ça, éteindre tes châteaux. Moi, tes 52 propriétés, shut down tes crises de châteaux. Voilà. Puis congédie tout ton monde parce que c'est trop d'énergie. On verra. Ça, c'est rien que les propriétés du roi. Sur le territoire de l'Angleterre. Ça ne parle pas des propriétés qu'ils ont ailleurs dans le monde, là. Fait que là, ils sont là à nous dire qu'il faut se priver de tout, mais eux autres, ils se privent de quoi? Rien pas d'autre. Ils Il se donne promènent pas en jet, l'exemple. on est ici, ah ouais, par là. Mais nous, il faut qu'on roule en carrosse. Hey, réveillez-vous, là. Puis arrêtez de croire, c'est des conneries. Il donne pas l'exemple. Ils ne donnent jamais l'exemple. Bill Gates, tu je ne sais pas combien de jets privés qu'il y a, lui. Je pense qu'il y en a cinq. Ben oui, il va se priver. Obama, il va se priver de sa maison sur le bord du Maine, sur le bord de la mer. Ben non. Il va avoir 22 000 imbéciles en arrière qui vont se priver de tout pour lui. Ben non, ça passera plus. C'est ça, je te dis, David, les gens sont moins idiots qu'ils pensent. Les gens vont commencer à comprendre. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'informations qui est sorties sur les médias alternatifs, là, justement, là, pour critiquer là, tout ce que je vais appeler le groupe de gens qui dominent puis les médias traditionnels là, avec leur agenda. Hein? Mais il y a quelque chose qui va. Je sais pas si. J'ai toujours l'impression, le senti qu'il y a quelque chose qui va arriver qu'on n'est pas capable de voir, qu'on ne saura pas d'avance, puis il va y avoir une intervention, pas d'extraterrestre pour moi nécessairement, mais il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas quoi. Mais là, ça ne sera pas pendant 10 ans que ça va vivre ça, là. Il y a quelque chose qui va arriver qui va faire fou. De Peut-être quoi? le 24 février 2023. C'est peut-être ce que M. Lyon essaie de nous C'est dire, mais peut-être c'est à ce moment-là que ce extraterrestre. phénomène va se produire dans les cieux, ce De... rendez-vous. Tu sais, c'est quoi qu'il prévoit, lui? C'est quoi? Je ne le suis pas, Ben là, M. il Lyon. fait exprès, là. Il dit tout le temps, il a un style mystérieux, il cherche à créer une intrigue en disant, ça fait au-dessus de 20 ans qu'il dit rendez-vous pour fin février 2023. Puis là, il joue sur les termes de rendez-vous comme rencontre. Là, c'est sûr que Oui. ça fait penser à Rencontre du troisième type, le célèbre film là, en matière d'ufologie où des gens entrent en contact avec des extraterrestres, qui les rencontrent en haut d'une montagne. Le Devil's Tower qui ressemble au Mont Saint-Hilaire. Ah, ben, peut-être que les galactiques vont rentrer dans le vaisseau, finalement. Excusez. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des galactiques, mais moi, je suis pas capable de pas rire quand je parle d'eux autres. Des gens qui parlent aux extraterrestres galactiques, là, qui sont supposés venir nous sauver. Ah ben c'est ça, je suis pas Je naïf aussi par pense. rapport à ça, là. Ben, peut-être M. Glenn parle d'eux autres, moi je sais-tu. Bon, en tout cas, peu importe. Mais c'est parce qu'il y avait rendez-vous aussi dans le sens que les gens de notre élite se rendent, qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font, là, c'est-à-dire que la corruption planétaire prenne fin. Ah, OK, ils seraient venus les arrêter. Les neutraliser. Ça se peut. Ben, si c'est ça qui arrive, tant mieux, mais je pense pas que ça va venir de l'extérieur comme ça. Mais... Encore une fois, c'est une solution extérieure à nous. En quoi c'est pas dominant, ça? Ben, c'est sûr qu'en Pas effet, qu'ils sont venus me c'est. contrôler de l'extérieur, Ah non. non, mais. Non. C'est sûr Même si des gentils gars, les extraterrestres, là, non. que. Il y en a-tu des gentils, je le sais pas. Je sais qu'ils ont toutes des crises de plein de marde, par exemple. Il n'y en a pas un pour nous sortir de la merde à part nous-mêmes. Ben, c'est aux Qu'est-ce gens de se prendre en main parce qu'en soi, on va se faire organiser par les autres forces, puis ça sera peut-être pas dans notre intérêt. C'est ça. Oh oui, Mais mais moi, ce je suis pas plan-là, c'est ça. naïf par rapport aux extraterrestres, quoique j'évalue la possibilité que s'il pourrait y avoir une guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale qui impliquerait l'utilisation de l'arme atomique ou des bombes sales, qu'il pourrait y avoir une intervention de leur part. Mais pas par amour inconditionnel pour l'humanité, tout simplement pour empêcher la destruction de l'atome, qui est l'unité fondamentale qui se rapporte au plan physique, parce que ça les perturberait. Oui, mais moi, ce que j'entends quand tu parles de même, c'est qu'ils ont la capacité de bloquer autrement que par des interventions de leurs personnes sur place. Ah, ils peuvent Pas bloquer par des besoin que j'entre la interventions. planète Terre pour empêcher quelqu'un de peser sur le piton d'une bombe. Si c'est ça, leur capacité, c'est limité. C'est pas si simple que ça, venir sur la planète Terre pour eux autres, David, en passant, parce que la pression de la Terre ici, là, la vie, c'est la Terre. C'est pas Jojo, ils n'ont pas de corps comme nous autres, là. Facile à dire, mais ils peuvent pas rentrer comme ils veulent. Bien, c'est parce que ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des militaires américains, entre autres dans le cadre du Disclosure Project, qui avaient témoigné, ça remonte à quelques années, au début des années 2000, à Washington, s'étaient réunis pour dire, bien, écoutez, il y a eu des interventions extraterrestres qui ont bloqué des silos nucléaires Ouais. à plusieurs reprises, et c'est documenté. Il y a plusieurs militaires là, qui ont parlé ou qui ont vu des ovnis proches. D'installations à caractère nucléaire. Donc, il y a comme une. Moi, la façon que je le vois, c'est qu'il y a une surveillance par rapport aux extraterrestres de tout le développement de l'industrie nucléaire. Puis, à mon avis, ils vont intervenir si l'utilisation d'armes nucléaires massives pourrait être utilisée parce que ça pourrait les perturber. Puis là, ils seraient légitimés d'interférer avec nous parce que leur réalité pourrait être menacée. Ça a du sens, surtout s'ils sont dans le même univers que nous. Ouais. Ça a du sens. Oui. Mais on verra si c'est ça, mais même si c'est ça, ne viendront pas me visiter chez nous, tu sais. Dans ça. Je pense qu'il y a un contact extraterrestre avec les gouvernements, dont la CIA, tout ça, c'est déjà quelque chose qui sont en contact, probablement. Ils ont d'historique là-dessus. Oui, mais les choses commencent à sortir au compte-gouttes dans le sens qu'on a appris il y a quelques années, c'est-à-dire le dévoilement, la révélation. Il y a des autorités américaines qui ont sorti des vidéos, notamment celle du Tic Tac, où on voit un objet volant non identifié qui fait des mouvements qui peuvent pas être faits par un avion, là. C'est comme tout. Non, c'est ça, c'est des mouvements bizarroïdes. Fait que le dévoilement est déjà commencé dans le sens que les militaires américains reconnaissent qu'ils ont vu puis ont filmé des objets volants non identifiés qui font des mouvements qui sont pas liés à leur technologie. Ben, je Donc. pense même avoir vu une vidéo de gens qui suivent ça, là, les extraterrestres, les vaisseaux, tout ça, que même au-dessus de l'Ukraine, dans les derniers mois, il y en avait eu d'espèces de petits objets volants et non identifiés dans ce coin-là, là. Ça se peut. Je sais pas. Ça, c'est quelque chose que je suis pas tellement portée, moi, à chercher de l'information sur tout ce qui est extraterrestre, les amis. Je vous le dis, je suis plate à mourir. Moi, l'occulte. Même mon contact, là, j'écoutais Bertolt l'autre fois, j'ai ri. Il était en crise après toute cette information. C'est ça. À un moment donné, même le contact, il est remis en question. Je pense, David, sincèrement, qu'il faut rentrer dans nos vies. Puis, si nous sommes, parce que moi, je pense que nous sommes de l'énergie, non de la lumière, en passant, Quelle cette distinction tu fais énergie, entre les deux? mais pour moi, c'est pas la même qualité. Pour moi, les êtres de lumière, ça, il y a une couche de spiritualité là-dessus. Il y a quelque chose que je ne suis pas capable de renifler. Je ne suis peut-être pas capable de te l'expliquer autrement. Non, Mais non, mais je moi, ce que je comprends sais, que ça a une c'est couleur qu'on est spirituelle. l'énergie. Hein? Mais c'est sûr que le concept d'être de lumière a une couleur spirituelle. Ben, lumière, il y a aussi l'ombre. Hein? C'est encore des polarités. Fait que pour moi, c'est une couche sur le contact, ça, quelqu'un qui parle de lumière. Pour moi, quelqu'un qui me parle de lumière, pour moi, c'est un être spirituellement très avancé, mais il reste que c'est une couche. C'est de l'énergie que nous sommes pour moi. Nous sommes de l'énergie. Puis cette énergie-là, d'où nous venons, qui nous a créés, qui nous sommes créés, nous sommes nos créateurs, en fait. Puis il va falloir qu'on découvre que cette énergie que nous avons doit être, à un moment donné, être dévoilée, notre source divine que les gens appellent, là. Ben, c'est nous. C'est nous! Même si on est trop de cul, petit pois vert, c'est nous pareil! Puis ça, il faut qu'on l'humain comprenne un jour que ça n'a pas rapport avec l'extérieur, ça a rapport avec nous, l'intérieur, notre intériorité, notre extraordinaire intériorité. On est des êtres très grands, mais qui s'ignorent. C'est ça la job des prochains, le prochain travail qu'on a à faire, c'est de découvrir la grandeur que nous avons. Et non pas ce qu'ils essaient de nous faire croire qu'on est des minables. Hey, allez écouter, là, on est le problème de la planète, les humains. Hey, Steve, je sais pas, là. Ben Le oui, ben problème, c'est tout le c'est temps de la 1%. Le problème, culpabilisation. c'est 1% de la planète. C'est pas la planète, mon problème, ni les humains. C'est le 1% qui nous disent des conneries, puis qui mènent le monde financier. Ben c'est sûr que pour dominer, il faut que tu fasses paraître à des lions en devenir que c'est des moutons qui sont C'est faibles ça. pour pas qu'ils se révoltent. Et puis là, après avoir culpabilisé les gens pendant des siècles avec la religion. Là, on les culpabilise avec la religion verte au nom de l'écologie puis la lutte contre les changements climatiques. C'est ça, exactement. Attends, moi, je vais fermer la porte. Non, c'est bien correct. Mais c'est des techniques de manipulation, de domination, concours, de prédation psychique. Mais c'est sûr qu'à force d'être contaminé ou manipulé, un petit peu comme les gens qui attrapent plusieurs fois un virus, à un moment donné, les gens vont développer des anticorps, ça pognera plus. C'est ça. Ça, c'est le collectif. Fait qu'il faut respecter la vitesse du collectif. Mais individuellement, on peut agir beaucoup plus que ça. En tout cas, moi, individuellement, je suis pas très affectée par tout ce qu'on parle. Dans le sens que je vis pas ça vraiment. Je suis pas dans la perte d'emploi. Je suis pas dans un milieu où il y a des enfants. Il y a rien de tout ça qui. Tu sais, c'est un plan de vie, là. Je suis un peu à côté de ça. J'ai pas d'enfants jeunes. Ce qui fait que je suis un peu en dehors de toutes les contraintes qu'on impose aux gens, mais il reste que, individuellement, je pense qu'on peut toujours trouver des solutions pour être bien. C'est ça que je veux dire. Si moi j'avais un enfant à l'école puis que mon enfant n'est pas bien à l'école, je le ramènerais à la maison. Si je peux pas, ben, je déménagerais, je vendrais ma maison, me trouver un endroit. T'sais, des solutions, il y en a tout le temps, mais faut pas être collé à des faux besoins non plus. Dans le sens que, comment dirais-je? Est-ce qu'on a. Regardez nos vrais besoins. T'sais, on a-tu besoin d'avoir. Tu sais, je regarde les gens comme ils vivent, d'avoir la grosse maison, la grosse cour, le gros deck, la grosse sono, le gros char, la Tesla de l'année, je sais pas, Naïmine. Non, tout cela, là, c'est pas nécessaire pour être bien dans la vie. C'est pas ça nos besoins. Oui, on a besoin d'un toit sur la tête, mais t'as-tu besoin d'une maison à 500 000? Non, ben c'est sûr que beaucoup de gens sont dans l'hyperconsommation. Ça, on est là-dedans parce que c'est ça qu'ils veulent nous vendre. On est rien que de la consommation. Mais moi, ma vie n'est pas basée sur la consommation. Ma vie a été basée sur mes besoins réels. Toute ma vie. Quand j'avais un besoin qui me passait par l'esprit, je regardais si tu as un besoin, si tu as un désir, c'est quoi que. Tu sais, je le testais. Faut le tester. Il faut savoir nos besoins. Mais on n'a pas besoin de tant de choses dans la vie. Des fois, je rigole, j'ai des amis qui ont, je ne sais pas, 52 paires de chaussures. Là. Si, maintenant, moi, je suis là. J'en ai deux. Une botte en hiver, puis une bottine de 2 tonnes. suis pas morte. Moi, non, non, je me sens-tu plus pauvre parce que j'ai pas 50 paires de chaussures? Non. Il y a plein de choses comme ça, ce qu'on peut couper, tu sais, des vêtements, je ne sais pas, je disais ça l'autre fois, je dois dépenser 200 piastres par année pour des vêtements, j'achète tout dans des friperies, même ça m'a coûté 10 piastres. C'est un super beau chandail, je sais bien que le monde ne le voit pas, là, mais on n'est pas obligé de les consommer. Fait qu'à partir du moment où tu ne consommes pas, ils vont être obligés de changer de direction, ils vont créer, sinon ils vont faire faillite. Costco, je ne vais plus chez Costco, Costco, je ne vais plus, c'est fini. Prenez des décisions. À un moment donné. Bon, chum, il va pareil, lui. Mais je m'en connais ce qu'il aille. C'est son choix. Mais toi, Mais je pense que c'est tu avais bon. arrêté à cause qu'il imposait le passeport vaccinal, Ah ouais, maintenant, je suis venu pour rentrer là avec les hosties de là. clôture de preuve de vaccin. Hey, j'ai dit, toi, Chris, c'était ton dernier jour. Non, puis je retournerai pas, même. Là, ils m'ont rappelé. Hey, on est... Non, mais encore. Moi, là, quand je dis non, messieurs et dames, c'est non jusqu'au bout. C'est comme. Je dis pas non souvent, mais quand je dis over my fucking dead body, fiez-vous sur moi que ça revient pas. Une décision, ça prend de la colère, mais moi je l'ai, sauf que je n'ai pas de misère avec la colère, j'en ai plein. Ouais, je suis capable de prendre des décisions pour m'en tenir à ça. Pas toutes, mais souvent. Je suis testée des fois, surtout sa cigarette ces temps-ci, je trouve. Je blague, là, je vais arrêter de fumer, je fume. Mais bref. Des décisions dans ce qu'on peut prendre. Essayer de prendre notre contribution. Moi, ma qualité de vie est extraordinaire. Si je regarde ça, ben, je ne peux pas parler de ça vraiment, ben, ça fait chier tout le monde, là. Mais j'ai une belle vie, malheureusement. Ben, Ou tant heureusement. mieux, heureusement pour toi. Ben, Mais à force d'être testé, un jour, les gens deviendront détestables, c'est-à-dire qu'ils seront plus testables. ben, c'est ça. Je suis un petit peu détestable. Je suis rendue un peu là. Moi, quand ils me passent des tests, je te jure que des fois, je rentre dans une crise de colère. Puis, arrangez-vous avec vos troubles, ma gang de calice. Je parle de mon contact en passant. Le contact, à un moment donné, faut il faut qu'il soit à notre service aussi. Faut bien C'est manipuler nos manipulateurs. pas le manipuler. Mais moi, faut il faut qu'ils comprennent que c'est moi qui vis, là. C'est moi qui est dans mes culottes, ici, là, de chair et d'os, puis qui me fait chier, là. Fait que chose en haut, là, fais-moi pas chier au soleil, avec ton état de dimension. Je suis bien heureux dans un autre monde, là. C'est bien, je suis bien contente pour toi, puis j'irai te rejoindre un jour. Mais entre-temps, je suis sur la Terre, puis il faut que ce que tu m'envoies comme idée, ça me fasse mon affaire. Non, sinon, manger de la merde. Je pense à autre chose. Ça me dérange pas de mourir niaiseuse, puis de me réincarner, je m'en calisse. Ça n'a pas d'impact. Puis là, je vois beaucoup de gens qui me parlent de, ah, mais comment on fait pour changer, vouloir évoluer, changer si. Non, tu ne peux pas vouloir. Ça ne vient pas de notre volonté d'intellect, ça, là. C'est pas moi qui ai décidé d'être sur le contact, c'est le contact qui a décidé de me contacter. Première étape. C'est pas moi qui voulais évoluer. Ça m'a tombé sur la tête. C'est pas pareil. On ne peut pas vouloir évoluer. Oui, on peut le vouloir intellectuellement, mais ça ne marche pas. C'est quand tu as le contact, il sait que tu es prête, qu'il est prêt, il descend, puis là, c'est là le travail se fait, puis passez-moi-en, parce que je vous rencontre pour 30 ans, là. Puis maintenant, ben, tu finis par être tanné de te faire chier, fait que tu passes sur le commande, tu dis, hey, mange la marde. Parce que là, Chris, 30 ans plus tard d'initiation, puis de nettoyage de l'ego, puis de ci, puis de test, puis d'expérience, puis de contenance, puis d'explication psychologique, psychologie évolutionnaire, de psychisme. Fuck off! Fait que si tu me sers pas, je te sers pas. La marde. Tu as besoin de mon corps pour te fusionner, mais moi, j'ai besoin que ça aille bien ma vie. Hein? Je trouve des trous. Je veux pas d'évolution. Je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais à de la conscience si je crève de faim, puis j'ai pas. Je suis pas. Tu sais, j'ai un gars que j'aime beaucoup autour de moi qui il est sur la dèche, il a de la misère à sa santé est difficile, puis il tripe sur l'occulte. Tu veux m'envoyer chier ça puis t'occuper de ta vie, tu sais? Voyons donc! Non, non, mais des fois, ce qui arrive, c'est que les gens sont vulnérables, un peu comme la personne qui se fait repérer par des cultes, des sectes, des religions, parce qu'elle est fragilisée, puis le culte, ça crée une fascination, ça peut donner de l'espoir à des gens. Ah Donc, oui, l'espoir, oui. L'espoir est une maudite belle pilule. Bleue, surtout, là, mais... Histoire, que ça va changer. Tu sais, on se vit ça ça dans va notre bien aller. Ils nous ont dit ça pendant la crise, pendant près de 2 ans. Ça va bien aller. Puis j'ai jamais vu une situation se dégrader autant sur le plan économique des dernières semaines au Québec. incroyable. Mais ça va Pour bien notre aller. David, on n'a rien vu encore. Les faillites, mon comptable m'en parle. Il riait de moi il y a 2 ans, c'est moi qui ai réduit aujourd'hui, là. Parce qu'il y a 2 ans, je disais, ah, ah, j'ai failli s'en venir. J'aurais dû fermer ma gueule, je te mets trop d'avance. Mais là, il voit, ses clients font faillite. Mais En tout moi, cas. ce que j'observe, c'est le mouvement de l'argent. Où ce que je suis présentement, je suis dans un bloc appartement. C'était un particulier qui avait ça. Tu sais, ça venait de ses parents. Puis, tu sais, c'était une maison qui avait un héritage où il y a 3 logements où ce que je suis. Puis, lui, pendant la pandémie, il a fait faillite. Puis là, ça a été racheté par une grosse chaîne immobilière là, qui ont 600 logements. Fait que les C'est petits ça. joueurs sont récupérés par les grands joueurs qui ont plus de liquidités. Fait que là, c'est un changement. Fait que là, t'as des gens qui s'appauvrissent, puis t'en as d'autres qui étaient déjà riches qui deviennent encore plus riches. C'est ça que je te disais tantôt. L'objectif, c'est l'élimination de la classe moyenne. Fait que le monsieur qui a fait faillite faisait partie de la classe moyenne. Il était absorbé par plus gros que lui, c'est ça. Ça va devenir un régime de banane bientôt. Si on laisse aller ça, parce que si les très riches vont devenir encore plus riches, puis la classe moyenne va s'effondrer, puis là, ça va tomber dans les pauvres ou dans les riches. Il y a deux classes, dans les pays chauds, dans les pays qu'on appelle les régimes de bananes, là, les riches et les pauvres. Il n'y a pas de classe moyenne comme on a connu en Occident. Une fois qu'ils ont démoli la classe moyenne, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce qu'ils vont réussir? C'est ça la question. Voilà Parce que la question, parce qu'il peut y avoir des surprises, puis des événements imprévus, puis le plan mondialiste avec l'agenda 2030, là, Klaus Schwab et compagnie, Forum économique mondial, moi, je suis sûr que ça ne se réalisera pas comme ils pensent. on verra, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière de même des écrans, là. Je parle d'opérations militaires, bien sûr, que nous saurons jamais vraiment, mais il y a quand même des choses. Tu sais, Assange, par exemple, qui a jamais qui est enfermé en Angleterre, là. Assange, là, c'est un des journalistes qui avait sorti solide des informations. Puis là, les gens, ils disent, ah, il faut libérer Assange, sortez-le de là. Mais non, il ne faut pas qu'il sorte de là. Chris, il s'en va aux États-Unis, il est mort. Mais il peut aller dans d'autres pays. Non, mais il est gardé en Angleterre. Je suis sûre que ça fait partie du truc militaire, ça aussi, de le garder en vie, lui. Il va revenir aux États-Unis quand il va être capable de pouvoir témoigner et qu'il ne sera pas assassiné parce que ce qu'il a à dire, c'est solide. Il le dit, puis il en a payé de sa vie. Ça fait combien d'années qu'il est enfermé? 15 ans? 10 ans? 15 ans? 10 ans? Il n'a jamais rien fait d'autre que de dénoncer ce qu'on parle. Oui, ben, je crois qu'avec WikiLeaks, il a sorti des informations qui ont mis la vie de personnes en danger parce qu'il y avait des informateurs irakiens, puis il y avait des coordonnées de personnes qui étaient vulnérables. Là. Tu sais, de dévoiler tout ça publiquement en bloc, si tu mets en danger des informateurs, là, c'est sûr que moi, je trouvais que c'était peut-être un peu trop loin, là. Ouais, c'est pas une raison de l'emprisonner à vie. Parce Non, qu'il c'est y a sûr que c'est discutable, là, mais. discutable, mais c'est des opérations sur quoi? On parle de quoi? En tout cas. Parce que Assange, je ne le connais pas aussi bien que toi, probablement, le dossier, hein, mais je sais que si on le libère pour l'amener aux États-Unis, il est fait. Si on le transfère aux États-Unis comme ils veulent, là. Les Américains veulent le juger, mais les Américains, c'est Biden, c'est pas le peuple américain. Biden puis sa gang qui veulent le juger. Ouais, c'est probablement que ce serait un jugement bidon avec notre ami Bidet. C'est incroyable, pareil. Tu peux-tu t'imaginer qu'un homme qui a aucun cognitif, qui soit au pouvoir d'un pays, puis qu'on lui demande pas de passer un examen médical, toi? Chris, si c'était Trump, ça fait longtemps qu'on l'aurait mis dans la boîte à chien. Rien que ça, tu devrais questionner les gens. Il y a un médecin relié à la Maison-Blanche, puis ce Ben oui. médecin-là, son job, c'est pas de faire de la complaisance avec le président, c'est de s'assurer que le président des États-Unis a toute sa tête pour prendre des décisions, étant donné que c'est le premier ministre, c'est le président des États-Unis. Mais il fait pas sa job, lui-là, là. Parce que ça se peut pas que Bidon ait toute sa tête. Puis encore, là, je suis même pas sûr que c'est lui qu'on voit. Il a changé de face en esti depuis 6 mois, lui-là, là. Ah, ben c'est possible qu'il y ait des sosies, un peu comme Il est Saddam peut-être Hussein. mort, ou il est peut-être enfermé, je ne le sais pas, mais ça se peut pas, il ne peut pas parler. Il dit plein de conneries quand c'est lui. Il a même annoncé qu'il serait destitué. Probablement que le parti des démonrates vont le destituer, oui. Il est allé dire ça la semaine passée. On va probablement me destituer. Oh, boy. Oh, bonhomme. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, tout ça pour dire que c'est déjà étrange que, tu sais, il n'y a rien qui fonctionne normalement dans ce pays-là. Il y a quelque chose qui Non. ne marche vraiment pas. Puis nous, ben, on est à côté. Fait que moi, je mise beaucoup sur les changements. Je suis sûre que le peuple américain va se libérer d'eux autres. Je suis certaine. Et Quoique, aux élections de mi-mandat qui ont eu cours récemment, ben, c'est les démocrates qui gardent quand même le contrôle du Sénat américain. ben oui, mais David. Ils ont gardé le contrôle du Sénat parce qu'ils ont bloqué l'élection, puis là, ils comptent tranquillement, puis ils montent tranquillement depuis 4 jours. Ça fait rien que démontrer la fraude électorale, c'est tout. C'est ça qu'ils veulent, dévoiler la fraude, c'est évident. Juste le Congrès, la Chambre, le Congrès, la Chambre du Congrès, je pense qu'à un moment donné, il y avait 100, je sais pas combien de démocrates, j'arrête pas de dire démonrates, démocrates, républicains. Je pense que les Républicains étaient à 160 quelque, mettons. Je dis des chiffres, je ne me rappelle pas, mais ils étaient très, très loin en avant. Puis d'un coup, il n'y a plus rien qui bouge, puis les démonrates remontent. Là, ça prend 3 jours. Depuis quand qu'une élection, ça dure une semaine, les amis? Hein? Puis en passant au Québec, vous n'avez pas remarqué qu'on cette année, on a voté avec des crayons de plomb. Ouais, ben, que moi, j'ai demandé à l'endroit où je suis allée voter. Depuis quand qu'on vote avec des crayons de plomb au Québec? Et la réponse de la dame, oh, c'est une bonne question, ça, hein? Ah oui? J'ai dit, ben oui, c'est une très bonne question, on va peser fort sur le crayon en hostie pour pas qu'il efface ma marque. On votait avec des stylos billes, hein? Ça coûte trop cher à l'environnement, peut-être, ça? Oh, ben t'es non. Un crayon de plomb, ça s'efface, hostie. Ouais. Mais qui aurait remarqué ça, à part Mona puis quelques illuminés de la planète, là? Y a personne qui a parlé de ça au Québec. Moi, je n'avais jamais voté qu'un crayon de plomb, pas ça. Et En tout bon. cas, c'est plein d'exemples de magouilles électorales possibles. Combien de gens au Québec se sont fait dire, ah, vous ne pouvez pas voter, vous êtes venu voter il y a une semaine. Hein? Et ça, on n'en parle pas non plus. Hein? Même Duhem ne veut pas en parler. On ne parle pas de 2 personnes, on parle de milliers de personnes qui se sont fait dire, vous avez déjà voté. Ah ouais? Ah bon? Je dois être Alzheimer, Chris. Aux États-Unis, ils ont sorti un État qui a eu, je ne sais pas combien de morts qui ont voté. Là. Des milliers de morts ont voté. Je ne sais pas dans quel État, là, démonrape quelconque. Là. Il y a quasiment 50 000 morts qui ont voté. Enfin, mais moi, je pense que c'est une stratégie. Ce qu'on a vu aux États-Unis pour les midterms, ce qui est décevant parce que les gens voulaient une vague rouge, il y en a eu une vague rouge, mais ils ont été obligés de, pour pouvoir éteindre la vague puis qu'elle devienne mauve, comme disent les réseaux sociaux, c'est pas une vague rouge, c'est une vague mauve, le rouge et bleu mélangés, autrement dit, là. Qui ont arrêté les machines, ils ont arrêté le vote puis ils ont commencé à tricher. Mais moi, je pense que c'est Trump avait bien dit, vous êtes sous haute surveillance. Alors, s'ils sont assez épais pour recommencer les conneries en sachant qu'ils sont surveillés, parce que t'as vu là, le ballot là, qui est sorti, là, qui ont livré un ballot en Georgie encore ou un état de sweepstake, les états Tournant. tournants, là. Puis ils viennent de retrouver un ballot, je sais pas combien de votes là-dedans pour démonrate. C'est drôle, c'est fou, ça débarque, ces ballots-là, de nulle part, et 3 jours après les élections, toi. Penses-tu que les Américains ne vont s'en rendre pas compte? Ils s'en rendent compte. J'espère juste que ça ne va pas niaiser trop trop jusqu'à ce qu'il y ait une guerre civile. Là. Parce Ouais, que mais. c'est la guerre civile, mais Trump il a toujours dit qu'il n'y aurait pas de guerre civile. Bon, on verra bien si Trump va être élu pour les élections de 2024. Non. S'il ne règle pas 2020, les élections de 2020, maintenant, en 2022, oubliez ça. Trump, il reviendra pas en 2024. Parce que ça donne rien, David. Il faut régler les élections. Il y a eu tricherie, puis c'est ça. Il y a une triche depuis 2016, en fait, là, mais depuis 2014, ben avant ça, mais mettons 2020. C'est là-dessus qu'il faut qu'il planche puis qu'il démontre. Mais le Sénat, il est sous le contrôle des démonrates. Puis le Sénat, c'est le système judiciaire qui contrôle le plus. Le Sénat, sa fonction, c'est le système judiciaire qui est sous son chapeau. Là, on comprend-tu mieux pourquoi qu'il n'y a jamais rien qui passe comme en cours? Si le Sénat est sous le contrôle des démonrates, c'est sûr que les juges seront menacés de mort s'ils disent un mot contre eux autres. Chacun tire sa peau comme il peut, hein? Fait que c'était, mais je pense pas que le Congrès, je pense pas que le Sénat soit alloué encore ni à l'un ni à l'autre, David, même si à TV, c'est ce qu'ils disent. De toute façon, à TV, ils disent n'importe quoi. Mais je pense pas que c'est réglé encore. Ça va être un dossier à suivre, mais moi, l'histoire Ça a que... lien aussi avec Bolsonaro, d'après moi. Checker Bolsonaro, le Brésil, les États-Unis, il y a quelque chose en... Parce que là, l'armée a parlé, hein? L'armée brésilienne a fait une sortie en disant qu'ils sont incapables de prouver qu'il n'y a pas eu de tricherie. Ben, par rapport aux élections, aux États-Unis ou Brésil. au Brésil, OK? Ouais, la dernière élection au Brésil, il y a eu la même fraude qui s'est passée avec Bolsonaro, parce que c'est clair, il y a des millions de gens présentement dans les rues. J'ai une amie, moi, au Brésil, là, une Française. Ils sont des millions dans la rue présentement. On n'entend jamais parler de ça, t'es vu. Il n'y a pas rien que les camionneurs. Il y a eux autres, les camionneurs sont sortis, ils ont suivi le modèle canadien. Les agriculteurs les ont suivis, les motocyclistes les ont suivis, puis les piétons. Fait que ce sont des millions dans les rues présentement au Brésil. Pour Bolsonaro. L'armée Bolsonaro, l'armée américaine Trump, il y a quelque chose ensemble, mais je ne sais pas quoi. Je ne suis pas dans les plans, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais d'après moi, il se parle, ces deux-là. L'armée américaine, l'armée brésilienne, il y a quelque chose. Moi, je verrais l'armée américaine de prévision, Mona. L'armée américaine débarque aux États-Unis d'ici quelques semaines. On verra bien. Alexis Cossette avait prédit un retournement justement là, par rapport à Biden il y a plusieurs mois, puis ça s'est pas fait. Il n'a pas été arrêté. Non, mais il va être destitué. Je blague. D'après moi, les démocrates vont essayer de le destituer, Biden, pour le remplacer par l'horreur Pelosi, là. On verra, mais je pense que l'exercice des midterms était sous haute surveillance de l'armée américaine. Oui, Pourquoi ils mais les bougent pas? démocrates restent en puissance pareil. Ils ont sûrement une raison à ça, parce que je pense pas qu'ils maintiennent. On verra, on verra, on verra. Je sais pas quoi dire. Pour l'instant, je suis pas dans les secrets des dieux, ça je dis, mais il y a une manipulation, ça c'est clair. Pas rien que des élections. Faut que les Américains, moi je pense qu'il faut que les Américains comprennent vraiment ce qui se passe pour qu'ils puissent agir. Puis je pense que c'est ça qu'ils font, tout simplement de prendre le temps de faire voir aux Américains ce qui se passe vraiment avec les élections. Parce qu'il y a encore bien du monde naïf, probablement, je ne sais pas. Pour éviter une guerre civile, ça peut être ça. Ça prend plus de temps pour faire le plan. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. On a encore parlé rien que de ça, puis il est 20 h 40. Oui, et en tout cas, on va proposer Pas de grave. conclure dans les prochaines minutes, là. Oui. Puis, sinon, par rapport à l'enregistrement d'aujourd'hui, y avait-tu autre chose que tu voulais aborder? Non, je n'ai pas d'autre chose qui me vient à l'esprit en étant là. Mais la seule chose, prendre soin de soi, ça me revient beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, de vous. Prendre soin de soi, c'est s'aimer, hein? C'est pas se juger sur tous nos petits aspects de merde. On n'est pas parfait, mais on n'est pas pire. On n'est pas pire. On n'est pas si pire. Mais on est chieux, mais on n'est pas si pire. On est une race qui est peu heureuse. Il faut faire face à nos peurs. C'est ça l'idée. Nos petites peurs. Toi, tu fais face à tes peurs en mettant un enfant au monde. Ben oui, parce que je veux une forme d'insécurité puis de procrastination, puis finalement, non, en dépit du contexte, je vois de l'avant, je suis à vibration. C'est ça. Ouais. C'est ça, faire face à ses peurs. Mais c'est merveilleux. Tu n'auras plus jamais peur de ça. Non, c'est ça. Faire face à nos peurs, c'est ça. C'est prendre une action, de dire, bon, j'ai peur, mais en même temps, j'y vais, puis j'y vais lentement. Tu sais, quand on a peur, on est prudent, mais en même temps, ça ne veut pas dire de ne pas y faire face. Non, c'est ça, puis pas de s'empêcher de vivre non plus, parce que là, on peut nous faire peur en disant, ben, ah, la planète va être catastrophique à cause des changements climatiques. Tu sais, c'est comme très dissuasif d'avoir des enfants, là, où, on prévoit une apocalyptique climatique qui va s'amplifier dans les prochaines années si la température augmente trop avec un climat qui deviendrait de plus en plus instable, phénomène météorologique extrême qui pourrait avoir de plus en plus là, si la température augmente à peine de quelques degrés. Ce que je dirais, moi, c'est qu'il faut plus surveiller le solaire. Il y a un lien avec ce qu'on vit, hein? Le soleil. Je pense que c'est plus comment ils appellent ça, là, les trucs solaires, les Une éclosions. émanation coronale qui provient du soleil, qui peut être, il peut y en avoir qui sont faites des périodes de plus grande activité solaire là, qui se déroulent là, entre autres aux 11 ans, mais il y en a aussi des majeures, comme à la fin des années 1800, par rapport au la télégraphie sans fil, le réseau avait été mis à terre à cause d'une trop grande activité solaire. Puis ça se peut qu'un jour, ça soit tout le réseau informatique dans un contexte comme le nôtre qu'on connaît, là, qui pourrait être mis à terre, là. Oui, c'est ça. C'est plus des. Mais ça a un lien aussi avec la dynamique de notre planète, je pense aussi. Là. Les volcans, le solaire, il y a un lien avec ça. Fait que s'il y a beaucoup d'explosions solaires qui affectent la Terre, bien, les volcans sont plus actifs aussi. C'est plus ça, moi, je dirais, que le climatique, là. Bien, il y a plusieurs variables. C'est sûr que le Soleil a une incidence là, sur la Terre, puis dans le fond, la rejection massive de neutrinos, qui sont des particules élémentaires. Dans le film 2012 qui a été produit en 2009, il y avait été allusion aux neutrinos. C'est des particules qui sont entre autres produites par le Soleil, ce qui est réel, puis ils ont quand même une masse, même si c'est infiniment petite. Mais ça a une incidence. Ça fait quoi sur notre planète, ça? Ben, dans le C'est film, là, c'était quoi sûr comme que c'était expérience? la fin de notre civilisation, là, avec l'augmentation de l'eau, etc. Mais c'est un film, là. Mais dans les faits, c'est une bonne question, je ne sais pas assez. Mais ce que je sais, par contre, c'est que... parce que c'est ça, il y a plusieurs décennies, comme je t'expliquais, avec la télégraphie sans fil qui avait été mise en échec par une activité solaire intense. Bon, mais ça aurait été la même activité solaire dans un contexte technologique comme aujourd'hui. Ça se peut qu'au niveau satellite, puis tout ce qui est transmission de données par informatique, ça aurait pu avoir une incidence, là. Donc, ça attaque les structures. Intéressant. Ça peut attaquer la structure mentale aussi. Oui. Intéressant. Donc, une initiation solaire, c'est intéressant si on regarde ça de même. Oui. C'est-à-dire que le Soleil initie un mouvement. Ça peut être justement être bombardé là, de certaines particules ou des éléments qui vont altérer à la fois la civilisation puis la psyché de l'individu potentiellement. Peut-être que c'est ça le nouveau monde. D'un coup, le soleil va avoir pitché des affaires qui font que le monde va être plus conscient d'un coup. Why C'est possible. not? Ben moi, je m'arrêterai sur cette note sympathique au moins. Oui. J'espère qu'on n'a pas été trop déprimant Ben, au début, pour on les. parlait du désespoir, mais il faut se rappeler que le désespoir, c'est quelqu'un qui est suffisamment désespéré, il peut avoir une action qui est différente des traditions. Tu sais, le désespoir est le maître de l'impossible, dans le sens que y a une possibilité de renouvellement créatif qui peut se faire quand la personne atteint le bas-fond. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est confronté à une limite, c'est possible qu'en Europe, par rapport à des problèmes d'approvisionnement en énergie, on voit apparaître des nouvelles technologies rapidement, parce que la Ah, ça, c'est nécessité est la mère de l'invention. David, je te garantis qu'ils vont apparaître très, très vite, d'autant qu'il existe depuis 100 ans bien des choses qu'on ignore. Ben oui, si on pense à la technologie autour de Nikola Tesla, avec les tours de transmission, que ça fait à peu près 100 ans que ça existe. Exact, mais il y a même. Mais il Moi, y a je d'autres pense. choses aussi, quelque chose de plus concret. J'écoutais récemment un enregistrement en lien avec la Smart Grid. Donc, puis aux États-Unis, entre autres dans l'État du Colorado, en fait, j'avais tombé sur un reportage qui expliquait que ça avait tellement de succès, le concept que les gens aient des panneaux solaires qui revendent à la compagnie d'électricité le surplus d'électricité, qu'il y a eu trop de personnes qui ont adhéré à ça, ce qui a fait baisser la valeur du coût de l'électricité qu'ils revendaient parce que la compagnie voulait payer moins cher, il y avait trop d'offres de gens qui vendaient de l'énergie en surplus. Fait que là, la problématique, c'est que si les panneaux solaires, ça coûte 30 000 $, puis toi, tu te fies à ça pour payer le fait que le coût de l'électricité est un certain montant de rentrer dans ton argent pour amortir la dépense. Puis là, finalement, tu n'as pas autant. Bien, il y a des gens qui se sentaient floués. Mais bref, l'idée que chaque personne en Europe pourrait avoir, admettons, ben, tout dépendant des régions, on s'entend, là, ça pourrait être des panneaux solaires comme aux États-Unis, mais aussi quelqu'un que, par exemple, il a accès à de l'électricité en surplus qui est produite, ça peut être éolienne ou autre, il vend ça au réseau. Il met ça en disponibilité au réseau, mais c'est sûr que c'est plus intelligent que ce soit un réseau unilatéral qui dessert tous les citoyens, là. Intéressant. J'avais vu aussi un Québécois qui parlait malheureusement, j'ai pas beaucoup de détails, je me rappelle pas, mais il était capable de générer à partir de je sais pas quel mécanisme, de l'électricité pour sa maison, là, ça coûtait rien. C'était juste un déclencheur, là. Puis c'était rien. C'était sur des bases de Tesla, d'inventions basées sur ce qu'il savait de Tesla. Mais ce que moi je voulais dire, David, c'est qu'il y a beaucoup d'inventions de Tesla qui ont été cachées aux gens, puis qui sont développées comme technologie. Puis on va les voir, tu sais, entre autres, la dépollution des mers par des fréquences. Ça existe encore. Il y a des recherches qui existent présentement là-dessus. Il y a sûrement d'autres technologies que je ne suis pas capable de configurer. Je suis sûr que la voiture sans pollution, par passant, je ne pense pas que la voiture électrique soit une solution pour la planète, là. Non, pas du tout. Ça peut être intéressant pour le Québec parce qu'on est 8 millions, puis c'est de l'hydroélectricité qu'on dit propre, mais si on regarde la Chine qui sont au-dessus d'un milliard, puis c'est des centrales thermiques. C'est pas intelligent qui fonctionne à l'électricité parce que l'électricité est faite d'une manière extrêmement polluante. Ben, pas rien que ça, c'est qu'en Chine, les cours d'eau, faire de l'électricité avec de l'eau, ils peuvent pas, ils n'ont pas de cours d'eau tant que ça. Hein. Ils ont une grosse centrale, puis c'est Hydro-Québec International qui a travaillé sur cette construction-là. J'y étais à Hydro dans ce temps-là, d'ailleurs. En Chine, je ne me rappelle pas du nom de la centrale, mais il y avait un gros problème, justement, c'est qu'ils n'ont pas tant de cours d'eau. On est très choyé en cours d'eau, le Québec. On a des cours d'eau incroyables. On est, je sais combien de pourcentage? C'est 20% de la masse d'eau planétaire qui est au Québec. En tout cas, pour ce qui est de l'eau potable, il y en a une très grande quantité. Je pense que c'est 20% de la masse d'eau de la planète qui se trouve au Québec. Imagine, c'est énorme. Mais bref, tout ça pour dire que ce n'est pas une solution pour moi, la voiture électrique. Non, pour moi non plus. Je sais pas, en tout cas, Tesla, monsieur Tesla, là, monsieur Elon Musk, c'est drôle, il y a une licence pour une voiture hydrogène. J'ai pas deux coups. Étrange, pareil. Mais peut-être qu'avec la crise en Europe, si les gens souffrent, il va y avoir des inventions qui vont sortir. Tu sais, les gens, au lieu de mourir parce qu'ils n'ont pas accès à l'électricité, à un moment donné, ils vont peut-être ils vont faire de quoi? L'instinct de survie. Ben, c'est-tu en Allemagne qu'on voyait que les gens, leur solution, c'est d'aller couper le bois, là? De revenir au feu de bois, foyer? On est en train de déforester l'Allemagne. Complètement dément. Excusez, je peux pas ne pas rire, je trouve ça débile. Rendu là, juste pour faire la guerre à qui? À quoi? Pour trois, quatre trous de cul de la planète, là, les salopards, là, qui veulent faire le cash? Qu'est-ce qu'ils peuvent? Qu'est-ce qu'ils font? N'importe quoi. En tout cas, bref, je m'arrête là-dessus, mais ouais, il va y avoir des solutions qui vont apparaître, c'est sûr, peut-être plus vite qu'on pense. J'espère que ces solutions-là apparaîtront pas dans les mains des mêmes personnes qu'on parle présentement. Malheureusement, ouais. Parce que tout Mais peut être récupéré par le système. c'est ça. Puis. Mais peut-être qu'on est plus créatif qu'on le pense, on le découvrira en temps et lieu, mais. On peut être surpris. Tu sais, Montréal, tu sais, juste Montréal, là, c'est depuis 2 ans, 22% de la population montréalaise qui quitte Montréal. Hey, c'est un énorme mouvement, ça. Oui. 22%, les amis, là. C'est énorme. En 2 ans, les deux dernières années, là. C'est un mouvement que je sais que ça a l'air anodin de même, mais tu fais ça partout dans le monde, les gens se déplacent, il y a des masses qui se déplacent, il y a d'autres villes qui vont sais, si tu as 23% des 22% des Québécois qui quittent, mais pas Québécois, mais des Montréalais qui quittent Montréal, ils s'en vont en général en région, ça fait grossir les régions. Tu sais, c'est un autre univers qui se définit, là, tranquillement. On verra. Peut-être que les villes, il faut les quitter, peut-être que non, je sais pas. Peut-être que Glenn avait raison. J'ai bien de la misère à embarquer dans des discours de peur, moi. Moi, à partir du moment où tu me dis de quitter la ville, non, c'est dangereux, je vais rester là. Peut-être juste par l'esprit de contradiction, mais à partir du moment où les gens parlent, puis il y a de la peur qui est projetée, je me méfie. Je me méfie pas de la personne, je me méfie de ce qui possède la personne ou qui y pose dans le corps. On est tous vulnérables à se faire ramasser par l'astral. Un Glenn, Exactement, mais quoique dans les faits, c'est sûr que c'est une pénurie importante de nourriture. Les premières personnes qui vont être impactées par ça, c'est celles des villes parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un terrain pour se faire eux-mêmes de la nourriture. non, mais à Montréal, mets des terrains puis crisse une poule ou deux là-dessus, je te jure que ça va venir vite. Sais, manger l'hiver, manger là, des œufs, c'est les protéines, t'as tout ce qu'il te faut. Pas besoin d'avoir 3 tonnes de cochon dans ton congélateur. Deux poules, trois poules, puis ça te nourrit. Moi, je pense pas qu'ils vont pouvoir empêcher les gens d'avoir des poules si le monde crève de faim. C'est ça, mais tu sais, je veux dire, si tu prends l'île de Montréal, serait un concours de circonstances qui fait en sorte que, bon, le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine est déjà pas mal bloqué, mais disons que tous les accès à Montréal sont bloqués. Le nombre cas de jours de nourriture pour tenir, j'avais déjà tombé là-dessus, c'était à peu près 3 jours en approvisionnement de nourriture. Pour la ville. Ouais. Ben, si vous voulez un bon conseil, prenez des provisions pour 4 mois, 4-5 mois. Ça ne peut pas être bien ben longtemps. Tout ce qui tombe laisse un vide. Les vides, ça ne dure pas longtemps, un vide. Hein. La nature a horreur du vide. Et ça. Mais moi, je me suis protégée, comme tout le monde, qui sont un petit peu alertés de ce qui se passe. J'ai de quoi subvenir à mes besoins pour au moins 6 mois. Puis j'en ai d'extra pour si jamais il y a quelqu'un qui m'a le pris. Tu sais, j'en ai prévu, ça aussi je l'ai prévu. Bon, tu sais, c'est ça, faire un petit peu des gestes. Chaque petit geste compte dans le sens, bon, quand tu fais ton épicerie, tu as du stock, tu dis, ah, ben, moi j'ai deux gars, fait que je pense à mes gars, je me dis, OK, peut-être une amie, je peux en mettre un petit peu plus. Tu sais, si je peux aider quelqu'un, je vais le faire, s'il y a besoin. Tu sais, c'est sûr qu'on va se réseauter, tu vas voir, ça va se connecter en crise. Le Québec, on a une qualité, c'est qu'on sait quand on est dans le marde. Est-ce qu'on pogne le téléphone, bon, on demande de l'aide. Les gens vont se réseauter. Le Québec, tu vas voir, ça va se réseauter. C'est déjà en marche, hein, David. Moi, j'ai trouvé une fermette, entre autres, là, un monsieur qui. Juste 40 cochons, des poules minimum, c'est une fermette. Puis il y a ses petits clients, ses datites, puis. Moi, je ne sais pas pourquoi j'achèterais pas ma viande. Je ne vais plus acheter. Moi, j'ai acheté là. Cette année, ma viande ne vient pas de chez Costco ni Maxi. Puis en passant, là, ça va me coûter 400 % moins cher. Je vous donne j'ai fait l'exercice d'acheter un demi-cochon. Couper notre les directions que vous voulez. 10 poules, ça va nous coûter 400 % moins cher que l'année passée. Bon, ben c'est bien. Fait que c'est pas vrai que c'est cher d'acheter chez des fermiers ou des fermettes, c'est ça que je veux dire. En plus, vous pouvez trouver des réseaux, des gens qui sont prêts à vendre de leur viande. Il va y avoir c'est ça que je dis, il va y avoir des gens il y a des ressources. Le Québec crevé de faim, il faut le faire. Là. Comment? Mais on peut nous faire croire des choses comme tu disais tantôt. On annonce la possibilité qu'il manque d'électricité ici. Non, mais mettons qu'il y a une pénurie, il nous crée une pénurie artificielle. Oui. Je veux bien, là, mais je vais me colisser 3 poules dans le cour, puis un cochon, puis bye-bye, puis viens m'arrêter, je vais t'attendre avec une carabine. Là, on a faim. Les gens vont se défendre, c'est ça, je veux dire. Ouais, ce ne sera pas si simple que ça, d'arrêter le monde de survivre. Je lui souhaite bonne chance s'ils nous amènent là, parce que moi, je suis sûr qu'ils ne nous amèneront pas là. C'est pas pour rien qu'ils nous donnent de l'argent, qu'ils font rouler les planches à terre à papier, en esti. Parce qu'à partir du moment où le monde va commencer à manquer sérieusement de quelque chose, ils vont avoir des crises de rebelles sur le cul. Okay. En tout cas, c'est pas si simple que ça d'affamer les gens, là. Ils nous font peur. Moi, je pense qu'ils font peur en masse, là. Comme ils ont toujours fait peur, ils font toujours peur, c'est toujours ça. Ça fait combien d'années qu'ils nous annoncent la fin du monde parce qu'on pollue trop? Il y a des scientifiques qui disent qu'il nous reste 4 ans avant la fin du monde. Et Damon Rapp aussi. Ben, en Il y a fait, là, c'est plein, rendu il y a plein 3 à ans, 2020, il dit la là. même chose. Hein? Là, c'est rendu 3 ans. C'est d'ici 2025, si il n'y a pas des changements drastiques là, dans la quantité de gaz à effet de serre qui est rejetée au niveau international, là, après ça, on atteint le point de non-retour, puis la température va augmenter plus qu'à 1,5 degrés Celsius. Oh, terrible. Ouais. Mais non, mais les gros bouts. Moi C'est non ça. plus, puis on n'est pas seul à pas y croire, mais là, présentement, il y a la COP27 qui se déroule en Égypte là, pour mobiliser les gens internationaux pour faire face à la menace climatique. Moi, je suis pas sûre, moi, que c'est de ça qu'ils parlent. Je pense qu'ils ont d'autres sujets en esti, si tu veux mon avis. Comme Ben quoi? là, c'est la même gang de trous de cul qu'on parle depuis le début. Ils sont en train de tout perdre. Ils ont perdu, en passant, là, la game de désinformation, là, masse de médias, là, ils ont perdu la game. TVA est à deux cheveux de faire faillite, là. Ils n'ont pas été capables de gagner la guerre de la désinformation, en fait, là, mais de l'information, parce qu'ils essayaient de contrôler. Ils n'ont pas réussi. L'information circule. Fait que, tu sais, je pense qu'ils ont d'autres problèmes à régler que les gaz à effet de serre. Ce qu'ils essaient de nous faire croire, c'est des conneries encore, hein. Mais moi, je pense que l'enjeu, vraiment, le vrai enjeu, c'est l'identité numérique. Même le COVID est un prétexte. Ben, c'est une fenêtre d'opportunité, comme disait Klaus Schwab, par rapport à son livre. Donc, la crise à COVID, c'est une fenêtre d'opportunité pour mettre en place le grand reset. Là, ça n'a pas pogné le COVID. Fait que là, c'est avec la question de la menace des changements climatiques comme autre porte d'opportunité. Ouais. Les portes d'opportunité qui créent eux-mêmes l'opportunité, c'est déjà assez douteux. Ben, c'est-à-dire Parce qu'en passant, le qu'il. COVID, on va se le dire, là, il commence à le dire à la TV, on peut le dire maintenant. Ils viennent de comprendre que le virus a été créé en laboratoire. Ah. Ah bon? Ah oui, ben fait 3 ans qu'on le sait. Hostie. Mais ils en parlent, là, à la TV, ils en ont parlé l'autre fois. Ah! J'étais mort de rire! Je disais, ben, il faut que ça se rende rendu à TVA, Radio Tralala, et il faut vraiment qu'il n'y ait pas le choix en esti d'en parler. Hein? Ben, c'est ça, mais il y a 3 ans, passé pour des fous finis, là, même dans notre gang de gens supposément conscients. Mais t'as fait dire que je faisais des fake news quand je disais ça, hein? Ben oui, il y a des gens qui ont été bloqués des réseaux sociaux quand ils disaient cette nouvelle-là. Puis là, quand c'est rendu officiel, ah ben finalement, c'est correct. Ben ouais. Fait que Peut-être que si ça sera la même j'étais chose pour la bloquée. vaccination tantôt, moi, non? Fait que la pardon? Ça sera peut-être la même chose pour la vaccination. Parler des effets secondaires néfastes, ah, t'es fou, mais peut-être à un moment donné, ça va être reconnu. Un peu comme pour la thalidomide au Québec, là, plusieurs années après. Ben, c'est sûr que ça va finir par sortir, mais David, il y a bien trop de gens affectés par ça. Hey. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il se passe rien au Québec, mon ami. Moi, j'ai des gens dans mon studio, là, des gens vaccinés, d'un coup, sont à bout de cancer, d'un coup, pouf, cancer fulgurant. J'ai 40 personnes d'inscrits, j'en ai 3 là, avec des cancers doublement vaccinés, triplement même. On n'en parlera pas, hein? Puis là, si tu lui demandes, t'es-tu vacciné? Ah, ça n'a pas rapport, mais t'es-tu vacciné ou pas? Oui, mais ça n'a pas rapport. Hein? C'est pas les données qui étaient sorties de l'armée américaine il y a un an et demi, hein, qui disaient qu'il y avait 400 % d'augmentation de cancer suite aux vaccinations, double vaccin. Mais ça, on n'en parlera pas non plus. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, j'ai un ami là, qui est doublement vacciné puis qui a un cancer de la gorge fulgurant qui est apparu. Il semblerait que c'est dû au fait qu'il y a eu des condylons il y a 42 ans. Excusez, je m'arrête là-dessus, on peut rire. Un cancer de la gorge à cause des condylons qu'il y a eu quand il y avait 20 ans, quand il y en a 61. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, moi, là, je suis idiote. Sauf qu'il est sidéen, il est bourré de pilules, il est vacciné, puis il est auto-immune, situé à fond de la caisse, puis il y a un cancer aujourd'hui. Mais c'est dû aux condylons. Hey! Ah! Moi, j'étais roulé à terre de rire, lui, il croit ça, lui. Que voulez-vous que j'y fasse rendu là? Là, rendu là, t'es trop idiot, faut que tu meurs. Voyons, les condylons. Tu as déjà entendu un cancer de gorge relié aux condylons? Non, mais Ah, c'est des nouvelles on va morts, sortir toutes sortes de théories, puis il y a la mort subite de l'adulte là qui augmente de plus en plus. C'est surtout pas pourquoi, mais ils sont tous vaccinés. Quand est-ce qu'ils vont le dire que les gens qui meurent sont vaccinés? Hein? Jamais. Ils nous donnent des affaires, des statistiques, mais ils vont pas au fond de la chose. Hein? C'est qui est malade présentement dans les hôpitaux? C'est tout du monde vacciné? C'est quoi les statistiques? Le Québec, on n'a plus de stats depuis le mois d'avril dernier, depuis que ça a commencé à virer de bord. D'un coup, l'INSPQ n'a plus de données. Bon, on a arrêté de compter, mais ben oui. Parce que ça s'est inversé. Là, c'est les gens non vaccinés qui sont pas malades. Puis en passant, j'étais en train de faire une recherche pour une banque de sang de non vaccinés, puis ça existe, hein? Je m'en creusé la question. Parce que moi, je me suis posé la question, si je suis malade, je veux pas de sang de vacciné, je suis désolée. Ben, je peux comprendre. Il y a des gens qui, là, c'est sûr, ça demande vérification, mais apparemment, il y aurait des embaumeurs qui auraient des problèmes par rapport au fait qu'il y aurait des caillots sanguins. Puis là, c'est un Alors, problème dans. aujourd'hui, oui, tu as Ouais. vu la même chose que moi, le gars en Angleterre, là? Entre autres, mais il y en a d'autres aussi. Fait peur, Ouais. ça fait peur. J'ai capoté quand j'ai vu ça, David. Ouais. Hey, ça sort pendant des kilomètres de temps quasiment. Des cailloux, mais il disait, c'est pas des cailloux, c'est pas comme des cailloux, c'est pas la même texture. Des espèces de filaments, là, Ah ouais, de puis sang. ça dure, et c'est long, là, mais. Lui, il avait sorti ça par la. Comment ça s'appelle? L'artère fémorale, c'est ça? Je sais pas. La hanche. Bon, en tout cas, c'est l'artère, je crois, c'est ça. C'est un gros artère. Mais il y en a un autre qui parlait de ce qu'il trouvait. Il y a eu plein de choses entourant le cœur, là. Des gens qui meurent de crise de cœur subite, là, ils retrouvent ces espèces de caillots, là, qui étranglent le cœur. Oh! Bon, m'arrêter là parce que les gens vaccinés vont avoir peur, là. Mais on n'est pas tous sujets à être malades, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y en a beaucoup qui vont l'être. Okay. Moi, je pense que c'est un test d'intelligence qu'on passait, si tu veux mon avis. Oui, mais en tout cas, on verra bien là, où ce que tout ça va nous mener. On va proposer qu'on conclue l'enregistrement présent. Et puis, ben, c'est sûr qu'on peut mentionner aux gens qui ont envie de faire du yoga ou également du pilates thérapeutique, qui ont envie de prendre leur santé en main, que tu offres la possibilité là, de faire des cours en présentiel ou à distance. Avec plaisir. Hein. Me contacter par courriel, par exemple. Idéalement, je pense que tu mets le lien de mon site, là, mais sur Oui. mon site, il y a un contact. Allez sur le courriel parce que les textos ou les gens qui m'écrivent des fois sur Facebook, dans les Messenger, tu sais, je suis pas souvent. J'en ai manqué. Il y a des gens qui m'ont écrit, mais je suis désolée, je réponds pas. Je vois pas les messages. Ou quand je les vois, il est 3 semaines après. Tu sais, c'est comme. Donc, c'est peut-être plus facile de me contacter par courriel, puis le contact va se faire rapidement, il n'y a pas de souci. Bon, ben, l'invitation est faite pour les gens que ça peut intéresser. Et puis, nous autres, on garde contact et on va se dire à bientôt, Mona. Bientôt, David. Merci tout le monde. Bye.